Salut les petits clous, vous êtes bien sur RQC et c'est 80 à l'heure. Allez, à plus, ciao. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM, comme tous les mardis soirs, bien évidemment, maintenant vous l'apprenez par cœur et vous le savez, donc de 20h à 22h30, et j'ai un peu peur que ça dure un peu plus longtemps que ça d'ailleurs, hein, parce que on a pour coutume d'aller même parfois jusque 23h, alors on va essayer de faire un effort et d'aller jusque 22h30, et c'est pas même gagné. Pas en rêve. Alors, on peut toujours rêver, mais en tout cas, bah, bienvenue parmi nous, bonsoir amis RQCiens et RQCN, et on retrouve une grande voix de la radio qui est venue nous rejoindre, qui n'était pas là pendant 2 semaines, et on est bien content qu'il est avec nous, et évidemment c'est Canon. Bonsoir la France, bonsoir la Belgique, bonsoir l'Europe, bonsoir toi, j'adore ta coupe de cheveux. C'est vrai, elle est ouais, super, surtout celle de gauche. J'ai fait exprès, ouais, j'adore. Non, mais, bah, il y a des cheveux, hein. Et ouais, merci. Ça va? C'est pas très radio. Je suis content. Non, mais t'as un côté. Ah, je sais, oui, ici l'Opéra Mozart. T'as sur Nana. Non, Maé, oui, t'as raison, c'est pas. Ou on dirait qu'il y en a tout à l'heure. Mais tu fais plutôt des housses que. Mais je suis content de vous voir. Eh ben nous aussi, figure-toi, on se demandait si t'étais encore vivant. Bah c'est surtout le fait de pas vous voir souvent, ça me fait plus plaisir de voir un peu. C'est vrai. C'est un grand plaisir. Enfin pas toi, Flip 4, hein, mais, non, mais les autres si. T'as donc, rechargé ton portable? Ouais. Ah ça manque. Donc tu as prévu quoi ce soir? Pardon, j'ai prévu quoi? Bah rien, de vous voir ça déjà, présence. Etc. Et puis parce qu'il y a un groupe que tu vas présenter tout à l'heure que nous avons comme invité, que je connais très très très bien, et je voulais surtout pas le manquer. Voilà. Bah, c'est franchement. C'est bien. Tu fais bien et on va vous présenter d'ici quelques minutes. On va quand même maintenir le suspense. Le temps de présenter tout le sommaire de l'émission, bien évidemment. On a avec nous aussi notre forban à nous, Flip 4. Hello. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Alors je sais que t'avais prévu une chronique que tu ne fais pas parce que tu pensais que ce soir nous recevions donc les candidates à l'élection de Miss Waterloo. Bon, on a eu un petit contretemps évidemment, donc on ne recevra pas les candidates à l'élection de Miss Waterloo ce soir, mais on va recevoir donc Bangster. Donc c'est... Fallait pas le dire, ça on gardait le suspense. Oui, on gardait le suspense. On ne sait pas qui c'est Bangster encore. Non mais je... c'est très beau. On va recevoir un groupe. Voilà. Non, on a eu un petit contretemps. Effectivement, bah, oui, je m'étais dit qu'au niveau timing, je sais par expérience qu'on déborde largement et on n'arrive pas à respecter le timing. Donc je m'étais dit, bah, ça pourra la prochaine fois, dommage. Oui, mais n'empêche, il faut quand même dire que t'es là. Oui, je suis là quand même. Ah. T'es là, même si on avait. Eu les 8, c'est exceptionnel. T'étais là quand même, alors que t'es réfractaire quand même. Oui, je suis réfractaire et encore, toujours. T'inquiète, un jour, je te promets, on va inviter les Mister. Les Mister. L'élection des Mister. Tiens, vas-y, je suis attiré, ça, non? Ça te changera. Ouais, sinon, t'as passé un bon week-end? Très chargé. Et on en reparlera, bien évidemment. Il n'y a pas que le week-end qui était chargé, à mon avis. Hein. Si, il n'y a eu que le week-end. Ah, bah, vu ta tronche, il y a la coupe de cheveux. Mauvaise langue. Bon, ça va, mais qu'est-ce que vous avez avec ma coupe de cheveux? Bah, sérieux, on dirait qu'il y en a qui t'a lâché une caisse dans tes cheveux, c'est hallucinant, j'ai jamais vu ça. C'est vrai? Ouais. C'est un peu violent. Tu te rappelles pas de ta femme? Ah, c'est celle qui m'excitait. Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. À notre Jean-Pierre Foucault à nous. Oui. Et on vous expliquera tout à l'heure pourquoi. Sur un max, notre présentateur de Miss, dont on reviendra sur l'événement, hein, puisque tu as présenté Miss Lugne. Oui. Donc ce week-end, ça a été fait comme ça, là. À l'arrache. À l'arrache. Mais t'as assuré un max. Mais c'est ce qu'on m'a dit. Voilà, absolument, absolument. Donc il y a plein de gens aveugles qui ont dit putain, il a assuré. Non, c'est pas vrai, j'ai 2 autistes qui m'ont dit c'était génial aussi. C'est vrai. Non, sérieux. J'ai eu des bons retours, et puis moi, on a assisté avec Arnaud d'ailleurs. Alors je vais pas dire tes premiers pas sur scène, parce que c'était pas tes premiers pas sur scène, mais en tant que présentateur. Oui. Et on n'a pas été déçus. Franchement, on n'a pas été déçus. Par le présentateur, non. Hein. Pardon. Non, mais c'est vrai. Alors, ce soir, toi, évidemment, à 21h. Oui, la chronique Ciné Rétro 80. Yeah. Quelle année? 82. Donc, tu vas nous parler d'un film de 1982. Oui, dont effectivement. Le titre est... Qui s'appelle Je ne vais pas le dire. Bon, d'accord. Voilà. Je ne vais pas vous le dire. Il va falloir le deviner, justement. Sorti un mercredi. C'est ma réplique, ça. Ouais, mais c'est pour te faire chier. Parce que ça fait un mois que tu me dis à chaque fois, c'est ma réplique. Mais non, petit bémol, parce que ça ne sortait pas forcément que le mercredi. Parfois, il y avait des jours où ça sortait pas forcément le mercredi. Quelques films, quelques exceptions, où ça sortait le jeudi, le vendredi, le samedi. Enfin, bref. Tu vois, au 17, c'était mal enseigné. Pardon? Ça sort jamais le samedi. Ah bon? Bah toi, ça te sort. Toi, tu sors jamais. Toi, ça sort jamais le samedi. Ouais, c'est ça. Ouais, bon. Moi, je sors au moins les autres jours. Et ensuite, à 22h, évidemment, les sorties Cinoche. C'est ça, oui. Pour la Belgique et pour la France. Eh bah, ben, c'est parfait. Mais surtout, nous allons accueillir. Moi, non, je pas pue. Encore, et on y pardon sera. Bah, toi, tu pues. Donc, nous. Sérieux non, on y sera. Alors, bah, c'est déjà exprimé, elle a parlé du samedi, du mercredi. Mais tais-toi, c'est pas possible. De toute façon, elle va parler toute l'émission. On peut plus remplacer une quand il est là. Oh, alors, ta gueule. Quoi, raconte voilà, bon, ça bah, y est, t'as un blanc, tu parles pas. Bon, merci, donc. Dites-moi bonsoir d'abord. Bonsoir d'abord. Bonsoir les garçons, comment ça va? Bah, ça va bien, et toi, Faucheton? Si. Quoi, Faucheton? Bah, attends, il y a 30 secondes, là, t'es en train de nous bouffer, et puis là, tout d'un coup, bonsoir les ouais, garçons. Tu te plains pas toujours quand je te bouffe, hein? Ça y est, c'est parti. T'as grossi les seins, non? Eh bah. C'est pas grâce à toi, en tout cas. Bon, ok. Voilà, on y sera la présenter. Bonsoir à tous, quand même. Alors, voilà. Moi, de mon côté, j'aurai quelques petites actualités, évidemment, des petits coups de cœur, des petits coups de gueule. Et voilà, il y aura un peu de tout. Donc, il y aura André Boucher, Netflix, Miss Lune, Miss Waterloo, Bankster, et puis Un rêve, une étoile, et tout est possible, voilà. Oui. D'accord. Bah, ce sera pas le programme hein. De soir. Je vous voilà. Avec Fabrice Ozeva, oui, qui voilà. Voilà, intervenu. Absolument. Ouais, absolument. Absolument. Je pourrais t'en dire un mot. Ouais. On en touchera un mot, on reviendra sur ce week-end où on a vécu une belle expérience. On a vu Sherlock sur scène. Ça y est oui. En maillot de bain. Son plus bel apparence. Non. Ah non, non, il était en costume. Oh, voir ça. Qu'est-ce que tu devais être beau. Ah ouais, carrément. Mais je te dis, c'était Jean-Pierre Foucault. Oh. tu devais être beau Jean-Pierre Foucault. On aurait dit Jean-Pierre Foucault. Et non pas Jean-Pierre Foucault. J'étais plus Jean-Pierre que Foucault quand même. Plus Foucault que Jean-Pierre. Il y a une belle photo de toi. C'est vrai que tu ressembles à quelque chose pour une fois. C'est parce que c'est vrai. Il fait de la radio parce qu'il veut pas qu'on le voit, mais finalement, photo, elle est bien. Ah ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Mais honnêtement, et on a été agréablement surpris, Arnaud et moi. D'ailleurs, Arnaud fera une petite rétrospective sur la soirée de samedi. N'est-ce pas, Arnaud ? En breton ? En breton, évidemment. Ah ouais. Il nous montre une photo justement de sa photo. Oui. Voilà. Il est magnifique, sincèrement, il est magnifique. Un petit côté Pavarotti. C'est ça. On dirait que tu préviens le public que tu vas roter, mais bon, c'est. Comment casser la seule image du spectacle. C'est vrai, c'est la seule image de moi que j'ai vue. Et tu sais, il allait cliquer sur mettre en photo de couverture. Ouais, il y a que des images. Bon, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'avant de retrouver donc, nos invités de ce soir, on va faire une petite coupure musicale. Oui, bien sûr. On peut les présenter, les invités, un peu. Ils font de la musique, ils chantent, ils font du bruit. Ils dansent, ils font du bruit, ils mettent de l'ambiance. C'est des tarés, franchement. C'est des tarés. Bah, je pense, j'en ai entendu parler. C'est des tarés. Bah, j'espère. Ils font quelques reprises. Ouais. Il y a beaucoup de compos, et c'est ça qu'on adore chez eux. Des compos à la. Alors, moi, je trouve que c'est un peu à la Négresse Verte, mais en mieux. Donc, ah, je suis d'accord. Ouais, vous allez les découvrir. Vous allez les découvrir dans quelques instants, juste après cette coupure musicale, parce qu'ils ont de l'actualité, bien sûr. Et pour les Moucronois, ouais, quittez pas, parce que vous allez pouvoir les voir bientôt. Sur Moucron, vendredi soir. Absolument. Donc, vous aurez donc déjà un petit avant-goût et l'envie d'aller les voir sur Erzo. Absolument. Voilà, au QQ. Ouais, t'as dit Moucron, toi, c'est Erzo. Ouais, c'est Erzo, hein, où ils se produisent. Eh ouais. Allez Sherlock. Ouais, donc une petite coupure musicale avec Bon Jovi et Living on a Prayer parce que c'est l'anniversaire aujourd'hui de. Alors c'est Alec John Such qui est le bassiste de Bon Jovi. Such a shame. Non, pas du tout. Et ensuite on reviendra avec les Rolling Stones et Emotional Rescue. Ça me dit rien du tout le titre. Mais c'est vrai. Ouais. Mais c'est années 80. Emotional Rescue. C'est 1980. Alors sur la pochette, parce que moi je l'avais chez moi, la pochette, c'était mon père qui l'avait acheté. Mais t'avais le disque dedans ou pas? Oui. J'avais le 45. Ça a moins de valeur quand t'as que la pochette. En fait, alors je pense que c'est Mick Jagger qui est un peu momifié. Ouais. On voit juste la bouche et il y a des sortes de grosses lunettes. Ah, oui. ça fait des sortes de grosses lunettes de ski noir sur fond vert. Ah ouais. Donc la pochette est dégueulasse, mais la chanson est pas mal. Ok. Allez, on s'écoute ça tout de suite. Allez. We'll be right back. Eh oui, c'était donc Emotional Rescue des Rolling Stones. C'est 80 à l'heure, vous êtes toujours sur RQC 95 FM. C'est drôlement bien dit, mais on a l'impression que tu es devenu présentateur, je sais pas, mais... Ouais, il y a un truc là. Alors, revenons sur ce week-end, puisqu'effectivement, donc ce week-end... alors, il y a eu quelques petits ratés sur l'élection de Miss Lynn, il faut le dire. Où au dernier moment, on t'a demandé donc de présenter carrément l'élection avec Jérémy. Jimmy. Ouais. Voilà, donc on a eu l'occasion de venir te voir, avec Arnaud d'ailleurs, qui est avec nous dans le public. Allez, le public, ouais. Et donc, effectivement, c'était une belle découverte, toi. Ah. Merci. Alors, franchement, tu t'assures un max, et honnêtement, j'ai fortement apprécié. Tu étais dans ton élément. Et alors, on peut le dire, Miss Lynn, c'est la petite sœur de Miss Herzo, de Miss Moucron. C'est ça. Bon, c'est la deuxième édition. C'est vrai que c'était un peu laborieux. C'était un peu chaotique, ouais. Voilà, n'ayons pas peur. C'est vrai que c'était un peu compliqué. C'était pas bien rodé, mais ça, on peut le comprendre. Hein. C'est tout nouveau. Et puis, c'est ça, évident. C'est que la deuxième édition, donc ils se cherchent encore un peu. Voilà, absolument. Et puis bon, ils ont eu des petits soucis. C'est, je crois, la présentatrice qui a pas pu, pu être présente. Ça, ouais. C'est moche. Alors, j'ai pas su pourquoi. Il y a eu aussi un souci au niveau de du coiffeur ou je sais pas trop quoi. Donc, ouais, bah, un peu de tout. Hein, c'était un, ouais, donc, un enchaînement de. Ils avaient les vêtements, rassure-nous. Oui, ça malheureusement. Les vêtements étaient déjà prêtés. Donc il n'y avait aucun souci, mais c'est vrai que bah, de ce fait-là, il leur fallait un présentateur ou une présentatrice. Tu t'es castré alors. Non, mais alors moi je me suis proposé pour les aider. Le truc, c'est que je connaissais rien du tout du déroulé de la soirée, donc j'ai appris sur le tas. C'est pas trop vu, hein, vraiment. Ouais. Bon. Ouais, mais je pense que c'est un peu ton côté un peu bonhomie, machin. Allez, vas-y, tranquille. Ouais, force tranquille sur scène. C'est ça qui a joué, hein, je pense sincèrement. D'accord. Mais en gros, j'apprenais les trucs quoi, 5 minutes avant de monter sur scène. Le truc, en fait, c'est que j'avais Jimmy qui était lui. Qui faisait candidat blanc. Donc les candidats blancs, pour expliquer un petit peu, c'est ceux qui sont là au secours des miss quand il n'y a pas assez de mister pour danser avec, qui lui connaissait le déroulé de la soirée et qui m'expliquait un peu tout juste avant de remonter sur scène. Mm-hmm. Donc moi, je me suis dit, écoute, présente, on va dire, solennellement, puis moi, je vais faire le con à côté de toi. T'aimes bien. Ah bah c'est pas du tout ça, hein. C'est pas l'impression que ça donnait. Hein. Plus au début, à la fin j'ai essayé nous, d'être quand même un petit peu 21, plus calme quand même. Il faisait plutôt la plante à côté de toi, enfin, c'était pas joyeux. Oui, mais alors lui n'avait jamais présenté non plus. Ça se voyait. Bah oui. Ouais, mais dis, c'est pas évident hein, quand tu montes sur scène et que t'as pas l'habitude. Lui était à la base candidat blanc, donc il avait jamais présenté. Au moment où tu fais une manifestation comme ça, tu prends des présentateurs qui s'y connaissent un petit peu, malgré tout. Voilà. Oui, mais bon, faut les avoir sous la main quand même, c'est pas évident. Oui, mais bon, après, quand on s'y prend bien en temps et en heure, normalement on peut avoir quelqu'un sous la main. Voilà. En tout cas, félicitations, merci. Sherlock, et ça nous a fait vraiment plaisir, ça nous a fait rire aussi par moments. Oui, et j'ai fait Casimir. Ah, c'est vrai. On lui a réclamé. C'est vrai. On n'a pas été discret, hein, quand même. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Mais c'était bien. Ça donne Sherlock, on t'aime. Ouais, mais c'est vrai, mais ça donne du baume au cœur. Franchement, c'est. C'était bien. C'était bien. Alors, toujours dans ce week-end, moi, j'ai fait un salon comme ça sur l'île et j'ai eu l'occasion de rencontrer. Pas le salon érotique. Ah, pardon. Le salon de l'aménagement et de l'habitat. Et j'ai eu l'occasion donc de rencontrer, alors je sais pas si j'en avais parlé la semaine dernière, mais Stéphane Thébault, qui fait la Maison France 5, donc un présentateur qui a travaillé avec Jean-Pierre Pernaut dans Combien ça coûte, donc j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, c'était très sympa. Une belle prestance. Le mec, présentateur, une voix, mais hors pair. Et puis, il y a eu d'autres personnes qui sont passées, il y a eu Anthony, du Prince Charmant et je sais pas quoi, là, le rouquin. Là, celui qui chante de l'opéra. Ouais, une horreur. Ouais. Enfin bref, une horreur. Une horreur. D'ailleurs, même les gens qui l'avaient embauché étaient incapables de dire comment il s'appelait. Donc, d'accord. Il était sur le stand et c'est qui je sais plus, mais c'est voilà. Enfin bref. Mais ceci dit, j'ai rencontré André Boucher. Oui. Et tu m'as envoyé la photo, mais oui. J'étais dégoûté. André Boucher, vous connaissez qui est André Boucher? Mais ça me dit rien le nom. Alors André Boucher est intervenu, absolument. Il est intervenu. Alors pour savoir, on peut le voir dans le clip de Adieu Tristana de Mylène Farmer. Ah ouais? Oui. Alors, j'ai jamais fait gaffe. Ah si, absolument, il a démarré comme ça. Alors, à l'origine, il travaillait à la RATP. Il a été découvert. Rentre avec tes pieds. Oui, merci. Oh là, la blague des années 80. Oh là là. Oh là. André Boucher s'est fait connaître, évidemment, grâce à des clés. Oui. Oui, puisque c'est Passepartout. Voilà, Passepartout. C'est pas vrai. Oui, alors avec qui j'ai eu un très très bon contact. Donc c'est pas le pote avec qui je suis allé à l'école. Je connaissais un André Boucher, mais il était métis, donc c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Et puis il était grand. Mais André Boucher, donc effectivement, donc c'est Passepartout qui fait Fort Boyard, on le connaît. Ouais. Ah bah ouais, là, j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui. Alors faut savoir quand même que pour la petite anecdote, Fort Boyard, il y a 30 versions différentes. Ouais. 30 versions, il y a des versions canadiennes, des versions israéliennes, il y a des versions françaises, la version française, la version anglaise. Et pendant tout l'été, en fait, il bosse comme un acharné sur le Fort Boyard. Donc ça veut dire que les enregistrements, quand il monte les escaliers, il le fait 15 fois par jour avec des présentateurs avec des langues différentes. Ouais, absolument. Et c'est pour ça qu'on l'entend pas parler, ou très peu. Dans Fort Boyard, vous l'entendez jamais parler. Parce qu'effectivement, c'est une langue universelle. Il fait que des gestes. Et à chaque fois, c'est fameux 1, 2, 3 clés. Enfin bref. Et il bosse énormément. Et donc, je lui ai posé la question. Mais j'ai dit André, forcément, puisque c'est son vrai nom. J'ai dit André, mais tu fais d'autres choses. Et il me dit, moi, Fort Boyard, c'est juste 3-4 mois dans l'année. Et le reste du temps, je tourne et je fais des concerts. Ah ouais. Alors là, je demande à voir. Et il m'a montré des vidéos. Et il fait partie des Rockies. Ouais, c'est un groupe, les Rock Keys, avec une vraie formation, avec des vrais musiciens. Et ma foi, ils se débrouillent, mais vraiment, mais vachement bien. Je vous invite à aller sur Internet, les Rock Keys, mm-hmm. Keys comme les clés, évidemment. Mm-hmm. Et donc, il fait des shows, mais c'est, ça vaut vraiment le détour. Allez voir. Et donc, je me suis arrangé avec lui donc, pour avoir une interview. Et donc, on aura une interview de Passepartout. Il nous promet pas de venir jusqu'ici, mais en tout cas, il m'a donné son numéro. On l'appelle, on fait une interview, machin. Il va nous envoyer des titres. Oh, génial. Donc il fait des titres rock et alors c'est dans la veine de Johnny Hallyday évidemment puisqu'il est fan de Johnny Hallyday, il fait des reprises de Johnny Hallyday, mais il a des compos qui sont ma foi très sympas et même sur scène bah c'est assez comique quand même parce que c'est le petit gars ils sont combien sur scène Je crois qu'ils sont bien une petite dizaine. Il y a sa femme qui chante aussi avec lui, qui est très sympa. Il y a donc il y a qui, il y a Simplet, Hachoum, tout ça. Il fallait qu'il la fasse mais vraiment, il va aller qu'il la fasse. Blanche-Neige, rendors-toi. Donc voilà, donc Passepartout, sachez que d'ici 2-3 semaines, à mon avis, vous aurez une petite interview bien sympa. Et je peux vous dire que c'est quelqu'un de très accessible. Mais tu aimes pas, ouais, c'est géant ça. Très accessible et sincèrement, discuter avec lui, c'est un vrai plaisir. Il rencontre beaucoup de monde, il a fait beaucoup de choses. Qu'on ignore évidemment parce que on ne le connaît que par l'intermédiaire de Fort Boyard, et j'ai bien l'impression aussi que dans le fond quand on va vers lui et qu'on lui dit salut Passepartout, ça lui plaît pas forcément. Et j'ai joué la carte du je connais son prénom, j'ai dit salut André et ça change tout. Salut, t'es étonné que je carrément donc voilà, donc ce sera dans les semaines à venir dans l'émission 80. Et qu'est-ce que t'as comme bol toi en ce moment, toi? J'y crois pas. C'est ça, j'avais mon pote que j'ai vu dimanche, s'était fait tirer en photo avec. Il se faisait un plaisir justement de faire des photos avec tout le monde. Et je sais qu'il en a fait des photos, hein, je peux te le dire. Il a passé toute la journée à faire que ça. Et à discuter avec les gens. C'était un chouette week-end, ça. Il y a Canon qui nous dit le problème, c'est le cadrage. On t'entend jusqu'ici. T'as été d'une discrétion à mourir. Je suis pas là pour être discret, je suis animateur, madame. Bah bon, une fois que t'es là. Et tu disais combien de versions donc, Alors, il y a 30 versions différentes de Fort Boyard, c'est énorme. Et je peux vous dire que Passepartout a des surnoms différents. Il y a des pays où il s'appelait Dédé, il y a d'autres pays où il s'appelle. Parce qu'évidemment, Passepartout, sur certaines langues, ça veut rien dire du tout. Et il a des noms différents à chaque fois. Et même dans les pays arabes. Alors sors ta connerie là. Non. Ah, vas-y. Allez, vas-y. Il t'a cassé, donc. Non, je veux dire, je les imagine courir lors des épreuves en djellaba, ça doit être pratique. Dans les pays arabes, il s'appelle Radeltouf, je crois, Je vous appelle Mahmoud, voilà. Non, mais il faut savoir que je crois d'ailleurs que c'est l'un des seuls à être dans toutes les éditions. Parce que même le Père Foura n'est pas dans toutes les éditions. Oui, ça j'ai vu. Dans certains pays. Ouais, dans certains pays, c'est une femme qui joue le rôle. Du maître, enfin là c'est la maîtresse du fort de cette là. Dans certains pays c'est une femme. C'est bien possible. C'est bien possible. Et bien donc voilà, donc c'était pour la petite actualité de ce week-end et revenons à notre actualité de ce soir. Donc mardi soir dans l'émission 80 l'heure sur RQC. Alors on en a parlé, on avait eu l'occasion de rencontrer et de recevoir une des musiciennes, on va dire, qui fait partie de plusieurs formations. Alors, vous la connaissez, c'est Lorraine, elle fait partie de l'Union Musicale de Waterloo, elle fait partie de Rétro Fanfare, et bien d'autres groupes, on l'a vu ailleurs jouer, donner un petit coup de main dans d'autres groupes, on la voit partout, Lorraine Lemoine, on la voit partout. Mais là, on la voit dans un groupe, et là, ça change complètement la donne, dans un groupe complètement barré, complètement déjanté, que vous entendez parler de plus en plus, hein, on les a vus se produire il y a quelques mois à Mouron, dans le cadre, je ne sais plus de quelle fête, mais ils étaient venus se produire. Au Toubac, la fête du Toubac, absolument. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est un groupe, vous allez en entendre parler de plus en plus, et vous allez les écouter en live, mais avant toute chose, on va leur demander de se présenter, c'est le groupe Bankster. Yeah, Bankster. Yes. Alors, on est avec le leader qui est... Alors, on l'appelle Loulou, c'est ça? Ouais, c'est Loulou. Ouais. C'est salut, Loulou. C'est salut Loulou. Tertos, salut les Moucronois, comment ça va? Voilà. Ça va, et purée, tu t'es pas trop fait chier là juste avant, purée, il a parlé longtemps le mec, là, c'est pas possible. Et ces histoires avec Passepartout, tout ça. Allez, tu sais, je peux parler belge aussi si tu veux. Hein. C'était pas belge là. Je parlais le langage de la cité là. City là, tu sais, c'est Macron qui a dit ça tout à l'heure aux jeunes. Hein. Ah, oui, moi aussi, je viens de la city. Il a dit ça? Oui, il a dit ça, oui. Ah, tu y étais, toi, j'imagine. Non, j'y étais pas, tu rigoles. Ouah, si. Allez, c'est tu. Moi, j'étais, passé, j'étais pas là à midi. Je mange mes frites à la baraque. Hein. Ben... Allez, qu'est-ce que tu crois là comme ça hein. Alors, lui, c'est Loulou, hein. C'est le leader donc du groupe Bangster. Et il y a aussi Lorraine, évidemment. Donc Lorraine, qui est elle. Qui est... Bonsoir. Alors, bonsoir. Bonsoir Lorraine. Bonsoir Lorraine. Alors, toi, tu es. Je suis la plus sage du groupe. Alors, tu es au cuivre. C'est moi. C'est ça, ouais. Mais en fait, non, oui, c'est le tuba, mais... C'est pas un cuivre. Si, c'est un cuivre, mais c'est le tuba. C'est une autre façon de découvrir le tuba. Par contre, tu mets dans cette position-là, du coup, ça... C'est une autre façon de reconnaître le tuba. Tu m'as menti, t'as dit que tu jouais du trombone. C'est une autre façon de découvrir le tuba. Pourquoi une autre façon? On l'entend plus dans les chants, etc., alors que d'habitude, dans les orchestres en général, ouais. Merci Dom, ça paraît un peu plus c'était suspect. Ambiance. C'était ambiance. Comme j'en étais où. Le tuba, en général, on l'entend dans les harmonies, on va dire ouais, plus communément, faire faute au sol, entre guillemets, ce qui n'est pas vraiment ça. Ouais. Et là, c'est vraiment du chant, un petit peu de basse, il y a un petit peu de tout, voilà. Ouais. Et tout ça sorti de la tête de Loulou, voilà. D'accord. Et nous sommes aussi également avec Pina. Pina oui, aussi. C'est moi la plus discrète. Ouais, bon, ça c'est pas gagné, mais bon. Donc là, on va dire alors, que c'est pas que les chœurs, c'est aussi chanteuse. J'accompagne Loulou, donc ouais. Dans le fait des massages à l'entracte. Entre ouais. autres, ouais. Ça faut pas le dire, raconte pas notre vie. Si. Si, bah si, justement, ça c'est ma chronique. Voilà tout, voilà, je chante. Et il y a aussi également Brice qui se cache. Brice qui se cache. Qui est là-bas. Non, je ne me cache pas. Non, il ne se cache pas, mais il faut parler au micro. Et Brice qui n'est pas de Nice, hein, ne faut pas utiliser. J'ai pas besoin de micro, j'ai un gros organe. Hein. Ouais, bah. Alors Brice qui est au percu. Qui est au percu. Au percu, et pas n'importe lesquels. Alors là, on a. Alors, comment ça s'appelle déjà? Là, on a mené un conga. Un conga. Souvent, ça marche en paire, quoi, comme ce que tu sais, quoi, tu vois. Oui, oui, là, ça marche toujours par paire. T'as déjà vu une paire de conga? Non. Mais je te vois souvent jouer sur un instrument vachement large, là. Comment ça s'appelle, là? Non, pas ça. Non. Moi, j'ai une paire, là. Mais ça ressemble à un xylophone, quoi. Le balafon. Le balafon. Une paire de coucougnettes sur son poignet. Et puis j'ai une deuxième paire. Bon, excuse-moi, on dirait la fête des oignons, mais. faut faire des photos parce qu'il a autour des poignées, je sais pas, des. Bah, on dirait des coucougnettes, hein, faut de ce qu'il y a. Donc, je pense que je suis monsieur la paire, quoi. Ouais. En vrai, tu dis, il n'y en a pas deux. Ça confirme, hein, ce qu'on dit sur les. Alors, vous avez compris, ça vous donne quand même un peu l'esprit de Bangster. On va demander quand même, parce que Bangster, ça existe depuis 2 ans. C'est ça, hein, vous allez fêter vos 2 ans. Non, un an. Ah non, ah, d'accord, j'ai l'impression de vous connaître depuis longtemps que ça. Oui. Alors, la création de Bangster, comment ça s'est décidé et pourquoi Bangster déjà? En fait, c'est le croisement d'une moule avec une frite. Ouais. Il y a une moule qui a rencontré une frite, la moule s'est ouverte, la frite a rentré dedans, elle est allée, elle est sortie, elle est rentrée. Et au bout de 9 mois, la moule, elle a accouché de 4 personnes, c'était les Bangsters. Ah, d'accord. Sa description me fait un peu penser à Sausage Party. Quand ouais, même. C'est ça. Ouais. Non, sérieusement. C'est vrai que Bangster est né lors d'un concert qu'on a fait à Lille pendant la braderie 2016. Où il n'y avait pas de braderie à Oisem. Ouais. Et avec mon groupe qui s'appelait à l'époque Loulou et l'Hétéroclite, tous les membres étaient absents. Et j'étais seul et je voulais absolument assurer chez un ami le contrat et de jouer. J'ai invité donc Lorraine et Brice à venir chanter et jouer avec moi. Et ça s'est très bien passé. C'est ce qui a fait le déclic en fait. On s'est revus par la suite et on s'est dit bah, pourquoi pas, on est tous Wattrelosiens, pourquoi pas continuer, essayer de faire quelque chose dans une formule assez souple, assez légère, plus déconnante qu'un groupe traditionnel. Ouais. Et la mayonnaise a pris. Et c'est qui a fait la boule? C'est qui a fait la boule? Bah, à ton avis! Il y a de la mayonnaise, mais on avait tous la frite, c'était l'essentiel. Alors, et d'où nous vient le nom du groupe Bangster alors? Alors Bangster, c'est une chanson que j'avais déjà écrite. Ah oui, d'accord. Et, voilà, Bangster, pour expliquer, c'est contraction de banquier et de gangster. Ah bah ouais. Et tout le monde, alors tout ça, forcément, c'est une légende. Tout le monde sait bien que les banquiers ne sont pas des gangsters, quoi. Juste des escrocs. Ouais. Je sais pas, mais en tout cas, c'est l'origine du nom du groupe, en fait. C'est une chanson, c'est un titre. Comme Téléphone avait chanté Téléphone, c'est appelé Téléphone. Bangster, Voilà, ça s'appelle Bangster. Par rapport à un titre qu'on va vous chanter d'ailleurs tout à l'heure. Ah bah oui, oui, ah bah oui, oui, mais ce sera même le premier qu'on va chanter. Eh bah tant mieux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, avant de découvrir donc le titre Bangster, et puis aussi de parler de l'événement qui aura lieu donc ce vendredi soir au Plan B, donc à Herzo, juste en face de la gare, bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une coupure musicale. Et on va demander à Loulou et à Pina, pour vous, parce que c'est le principe aussi de l'émission, hein, ouais, c'est les titres des années 80. Loulou, si je te parle d'artiste des années 80, d'un chanteur, tu me dirais qui? Un chanteur des années 80. Ouais. Un chanteur, un groupe, oui, enfin un artiste. Groupe, un groupe, un artiste, je dirais, je sais pas, en années 80, Dépêche Mode. Ah ouais, ouais, pas mal. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Pina, oh. Tu peux pas copier. Hein. Non. Années 80. Ils sont trop France jeunes. France Gall, bah oui, pourquoi pas. D'accord. Pourquoi pas. Ah bah allez, on va essayer, tiens. Allez, est-ce qu'on a deux titres Dépêche Mode. Alors Dépêche Mode. Bon, c'est vrai que allier les deux en même temps, ça va c'est être un pas peu grave. Mais c'est pas grave, ça va aller. Alors un titre que Claude François adorait de France Gall, c'est Débranche. Il était pas au courant. Alors Dépêche Mode avec Shakes the Disease. Oh, yeah. Ah oui. Et France Gall. Attends, je regarde tout de suite France Gall. D'ailleurs, ça a donné quoi le match France Gall? Je sais qu'il y a eu ça. Et ben, allez. Ça tombe bien. Tiens, cette semaine il y a eu un match, c'était France Gall, hein, je crois. Non, bah voilà, bah, France Gall Débranche. Eh ben voilà. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, à tout de suite. Here is a plea, my love.

Bonjour, je suis Rital et je le reste. C'est Claude Barzotti et vous êtes sur la radio 80 à l'heure sur RQC. Je vous aime. À l'école, quand j'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis. Ça me fait peur, hein, parce que quand tu passes ce titre-là, t'as Onissa qui commence à chanter. Et là, je me dis que notre audience, elle va baisser en... Ah non, non. Je te merde. Merci, mais j'avais compris. Mais moi aussi, je t'aime, Onissa. Moi aussi. Alors surtout, ne débranchez pas, comme dirait France Gall, oui. Restez à l'antenne de RQC, puisque là, maintenant, nous sommes avec Banksters, qui nous viennent tout droit de France. Et ouais, on peut le dire quand même, puisqu'ils sont... plutôt du côté de Waterloo, des copains d'eux. Des copains d'eux, oui. Des copains d'eux, absolument. Ils sont avec nous. Donc, ils vont se produire, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, ou très peu. Ils vont se produire donc ce vendredi ici. À partir de quelle heure ? 20h. À partir de 20h au plan B, dis donc, chez France. Et non pas au plan Q, hein ? Bon, d'accord. Quel dommage. Sur ce coup-là, par contre, il s'est planté. Hein. Donc c'est bien au plan B, c'est juste en face, ouais, de la gare, vous pouvez pas le louper, évidemment. Donc ils vont se produire gratuitement, hein, c'est-à-dire que l'entrée est gratuite. Alors je sais pas s'ils veulent se produire gratuitement, mais en tout cas, l'entrée est gratuite. Il y a eu un bon, d'accord. Pas rêver, hein. Mais profitez-en, parce que là, vous allez découvrir un live, c'est un avant-goût. Je suis sûr que ce live, vous allez le retrouver donc ce vendredi soir à partir de 20h au plan B, donc en face de la gare d'Erzeau. Alors ce titre, en plus, c'est un titre éponyme, j'aime bien dire ce mot-là. C'est un titre éponyme, puisque... Le titre, c'est Banksters. Tout à fait. Et c'est un peu, on va dire, c'est la genèse du groupe. Ouais, c'est au début, quoi. Au début, vous avez décidé de créer Banksters avec donc ce titre-là. Voilà. Avec une moule et une frite. Il faut savoir que tout ce qu'on dit dans cette chanson, bien évidemment, c'est de la science-fiction. Hein. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Hein. Eh ben, écoute, on va découvrir ça. Donc, Banksters, de Banksters. On peut y aller, là ? Vas-y. J'ai trouvé la bombe à atomique. Ça s'appelle un emprunt toxique. Banksters, on est les Banksters. On est les Banksters. Les actionnaires m'ont convoqué pour sauver la moralité. Ok, demain je sauterai avec un parachute doré. Banksters, on est les Banksters. Banksters, on est les Banksters. Banksters, on est les Banksters. Alors c'est juste une entrée en matière, hein, puisque c'est un des titres parmi de nombreux titres pardon, donc, du groupe Banksters. Alors je rappelle que Banksters, vous les retrouvez donc, ce vendredi soir. Donc le... On est quand le vendredi soir c'est, je sais plus. Le 17. Le 17. Donc, bah oui, il y a après le. Pour le Beaujolais, mais le Beaujolais, c'est la veille. Hein. C'est la veille. Le Beaujolais, c'est jeudi. Mais là, vous allez fêter à la fois donc, le Beaujolais, mais aussi participer donc, au concert de Banksters. C'est gratuit, allez-y, ne vous en privez pas. Il y a à manger. Hein. Et il y a à manger, bah, j'espère bien qu'il y aura à manger. Avec d'amour, là, non, c'est avec ta moule, c'est l'assiette anglaise, allez. Ah, bah voilà, bah oui, bah, mais absolument. Alors, avec le Beaujolais, tu manges du saucisson, hein. Moi j'ai une question à vous poser quand même, Banksters, parce que vos inspirations, vous les tirez de où ? De sa tête à lui. D'accord. Non mais en fait, je vais te dire un secret, Stéphane. J'ai des bêtes dans la tête. Ouais. J'ai des bêtes dans la tête. Ça, qui... ça on n'en doutait pas. Ouais, mais... franchement, là, j'avais et franchement, des fois, elles me parlent comme ça. J'ai dit, mais c'est bizarre, elles me font venir des mélodies, des mots, tout ça. J'ai dit, mais arrêtez les bêtes dans ma tête. Et c'est, mais non, elles sont là comme ça. Alors, je suis obligé de prendre la guitare et de composer des chansons. Non, mais t'es complètement barré, en fait. Mais pas du tout, pas du tout. Et on finit par se demander si tu ne travailles pas pour une mairie ou un truc dans le genre là, quoi, tu vois. Il y a peut-être quelque chose. Mais tu sais qu'il y a une solution pour ça. Il y a Bégon Vert, éventuellement. Non, mais je préfère boire du jaune, ça aide aussi. Alors, ça dépend, il y a les insectes qui font... Et les insectes qui font... Oh là là. Michel Leb sort de ce corps. C'est normal. Alors. Je me souviens, c'est une pub des années 80. Ça. Ouais. Mais... C'est Flip 4, en fait, toute la semaine, il est chez lui. Et puis, le mardi soir, on le sort, on le dépoussière un peu. Il vient nous parler seul, des années 80. Non, mais des poussières tout seul en fait. Ouais, non, mais heureusement, bah, t'as encore un peu de poussière sur les cheveux. Ouais, ah, la différence, c'est que toi, c'est que j'ai des cheveux encore, moi. Oh, bah, j'en ai autant que toi. Et attends, moi aussi, je peux faire une banane à la désirless. Arrête. Ça serait chouette quand même que tu aies une fois avec une banane. Hein. Ah, bah, je suis venu avec ma banane. Pas celle-là. Hein. Ah, bon. Donc voilà, Banksters, dites-moi, comment fait-on pour vous retrouver sur Internet? Parce que c'est la mode d'Internet maintenant. Allez, Lorraine va vous répondre, hein, parce qu'elle part pas au cou. Vas-y, Lorraine. Je suis timide, moi, comparément à toi. Ouais, vachement pas. Bah, approche-toi du micro. Attends, juste Facebook. Ouais, voilà. Et on tape Banksters. Vous tapez Banksters. Voilà. Donc c'est B-A-N-K-S-T-E-R. Exactement. Voilà, voilà, donc surtout n'hésitez pas à les retrouver. Aimer la page. À aimer la page, évidemment, surtout. À la liker, comme diraient les Jones. Il faut les liker. Donc on fera un lien, évidemment, sur la page de l'émission. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une petite coupure musicale avant de retrouver donc le Rétro Ciné 80. Vous allez participer, bien évidemment, puisque vous, les années 80, ça vous parle aussi. Hein. Bah non, j'étais en couche-culotte, moi. Ouais, mais tu l'es toujours. Mais maintenant on appelle ça des ténas. Excellent. Ok, j'en vais. Tu m'as tendu la perte. Du coup, j'ai perdu le fil de. Voilà. On va faire une coupure musicale. Voilà, et bien sûr, on reste avec Banksters. Et il y aura un live qui va arriver juste après. Donc, Banksters. Donc, on va faire une roulette. On va faire une roulette song. Bah oui, okay. On va faire une roulette song. Évidemment, on va demander à Loulou de faire une roulette song. Alors, rappelle le principe. Alors, donc, le principe de la roulette song, j'ai, je pense, à peu près un peu plus de 1000 titres devant moi. Oh, arrête. Si, à peu près. Il restait fâche avec ses 200 j'écoute son titre. Il a toujours les 400 titres, mais il n'y en a pas. Quoi. Bon, j'ai un peu plus de 1000 titres devant moi, 900 près, je crois. Je vais les faire défiler. Tu me dis stop dès que tu veux. Stop. Ah bah attends. Et il va falloir que tu... Il va falloir que tu le chantonnes ou que tu le fredonnes. Et voilà. Tu sais que je suis un comique, hein. Ouais, bah oui, allez, c'est parti. Stop. Corinne Hermès, si la vie est cadeau. Ah, il faut que tu le chantes. Si la vie est un cadeau. Alors, non. J'ai gagné. Est-ce que j'ai gagné ? Non, parce que c'est pas tout à fait ça. Moi aussi, c'est ça. Non, non, tu confonds Corinne Hermès avec Préparation H. On a un plein. Pardon. Bah, bravo. Non, non, mais Corinne Hermès, j'adore sa voix. Oui. Mais vous, quand tu vas entendre la chanson, tu vas te dire, bah ouais, évidemment. Si la vie est un cadeau. Et je crois que même elle a participé à un moment à l'Eurovision. Ouais, il me semble, ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Et avec ce titre-là, d'ailleurs. Ah oui. Oui. Ah bah, en regarde, 83, Pascal, derrière. Ah bah, Pascal, vas-y, chante ta chanson. En 83, alors, de cette là, vu que la chanson 83, est... 83, j'étais pas né. 83, comme le poisson. C'est possible, c'est possible. Eh bien, on va demander à Pina, tiens, dis donc. Je connais pas. Non. Alors, je roulais de son. Je vais refaire tourner les titres. Ah, ouais, tu me dis stop dès que tu... Stop. Emmanuel avec premier baiser. Ah, ça, tu peux le chanter. Eh ben non. Ah bah si, tout le monde. Premier baiser. Son broc. J'ai enlevé le micro. Mais non, attends. Mais. Aïe. Il y en a un derrière là qui me fait premier baiser. Échanger. Premier baiser. Bah c'est ça, c'est ça. Emmanuel, que j'ai déjà croisé d'ailleurs il y a quelques années, et, c'était une très belle femme. Oui. Du monde. Et du ah ouais, monde. C'était une très belle femme. Elle était sur un fauteuil en osier. C'est pas la même. Hein. C'est pas la même, et j'aurais aimé elle aussi. Aurait aimé, elle aurait pu. Elle aurait pu. Ah, Sylvia Kristel était jolie aussi à l'époque. Hein. Oui. Bon, maintenant beaucoup femme. Moins. Bah, surtout qu'elle est décédée. Hein. Bah oui. C'est pour ça. D'ailleurs, on profite du moment pour saluer Johnny. Oui, c'est vrai. Un petit coucou. C'est vrai. Un petit coucou à Johnny. Un petit coucou à Johnny. Johnny Hallyday. C'est un petit. Bon, bref. C'est un petit truc à nous. Ouais, c'est un petit truc à nous, voilà. Et bah, du coup, et bah, on va s'écouter ça. Et puis, on va se retrouver juste après avec le Rétro Ciné 80. Et Sherlock vous reparlera du principe. Oui. Vous allez participer, bien évidemment. Et puis on aura un petit live aussi. Loulou sans la guitare. Allez, bon, on se retrouve donc tout de suite après. Si la vie est cadeau de Corinne Hermès et Emmanuel avec premier baiser. C'est parti. Nous, c'était du bleu, un ciel d'été, un océan. Nous étions deux et l'on s'aimait à faire arrêter le temps. Mais le temps nous a trahis. Alors pourquoi m'avoir promis la terre entière? Notre amour aurait suffi. Salut, c'est Thierry Pastor, retrouvez-moi sur RQC 95 FM. À bientôt. Thierry Pastor, ça j'adore, sur des musiques noires d'ailleurs, qui est en train de faire une tournée avec Patsy actuellement. Patsy communique énormément avec Thierry Pastor, elle est en tournée avec lui sur un plateau années 80. Il y a Thierry Pastor, il y a Patsy et d'autres dont j'ai oublié le nom parce qu'il y a tellement de plateaux années 80 que c'est toujours un peu compliqué d'en reparler parce qu'il y en a partout. Ouais. Ça fleurit dans des références 80, des stars 80, des soirées 80, des machins, enfin bref. On est servi, je crois que ça va être la décennie années 80, c'est-à-dire depuis 10 ans quand même, c'est revenu en force où tous les artistes des années 80 reviennent avec leurs titres standards, leurs titres qui ont super bien marché dans les années 80 et qu'on réécoute encore aujourd'hui avec plaisir et qui plaisent aussi aux toutes nouvelles générations parce qu'on voit maintenant dans les publics, ils ont 10, 15 ans alors qu'ils ne pouvaient pas connaître à l'époque c'est vrai. Et qui écoutent Émile et Images, Les Démons de Minuit et qui découvrent, ah j'adore, ah ouais, ok. Ça fait quand même 40 ans que ça tourne. Il y a une chanson de Stella qui s'appelle L'année 80. Bien sûr. Ah ben, et d'ailleurs, c'était notre premier jingle que Stella nous avait fait. C'était année 80. Année 70. Non, mais à nous, Stella, Jean-Luc Fonck, ça a été notre. Je crois d'ailleurs que ça a été le premier invité. La première interview, c'était Jean-Luc Fonck du groupe Stella, ici, et qui était venu nous voir il y a 12 ans maintenant. 12 ans et depuis la création de l'émission. Voilà, donc, Jean-Luc Fonck, on adore. Mais c'est vrai que. Nous aussi, on adore. Ça rejoint un peu l'esprit un peu bankster aussi, hein, un peu déjanté, parce que vous avez aussi d'autres chansons, et on va en découvrir une autre tout à l'heure, juste après la chronique rétro Ciné 80, et qui s'intitule. Tu te fiches de moi. Tu te fiches de moi. Ouais. Donc ce sera juste après ça. Nom de Zeus! Nom de Zeus, Harry! Montons tous dans la DeLorean et partons vers l'année 1900. 1982. Il avait oublié. Non, pas du tout. Ah, j'ai cru que t'avais un blanc, je te promets, c'est pour ça que... Non, c'est parce que j'attends un petit peu pour que la musique arrive. Le suspense. C'est ça. Alors, rappelle-nous un peu le principe, évidemment. Oui, alors, donc, le principe du Ciné Rétro 80, c'est que j'ai regardé un film cette semaine, enfin, la semaine dernière, en fait, hein, entre le temps de la dernière émission et celle-ci, donc des années 80, et je vais essayer de vous le faire deviner. Bon, aujourd'hui, ça va aller très très très vite. Retour vers le futur. Pas du tout. Non, non, non, ça je l'ai fait il y a deux semaines déjà. Donc non, non, c'est pas retour vers le futur, mais ça va aller vite quand même. Et donc je vais vous donner quelques indices, notamment les sorties, le nombre de sorties en salle, ouais, vachement nous avancer, les acteurs, enfin tout des choses comme ça. Alors voilà. Par contre, précise si vous avez la réponse, vous ne la donnez pas tout de suite. Ah, oui, vous essayez de donner des petits indices pour nous mettre aussi, nous sur la piste. La grande vadrouille. Pas du tout. Années 80, c'est 1880. 1960. La boum. La boum. C'est de son époque. Non, c'est vrai que c'est en 82, la boum. Tu es né quand? Tu es né à quelle date? En 1860. Je suis né en... Ah, il est né à 0. En 1995. Oui, c'est encore jeune, ouais. La Grande Vadrouille, c'est 67. Donc, 67, sérieux? Ouais. Ah ouais, quand même. La Grande Vadrouille, pardon, 65, et le Cornio, 67. Ok. Non, pas. Waouh. Bon. Alors, donc là, ce que je peux vous dire déjà, c'est que le film a fait 1 582 732 entrées au box-office français. Ouais. Ah, bien. Ce qui est pas mal. Bah ouais, quand même. Mais il a été très critiqué par les critiques de cinéma à l'époque. Il a été triquité. Oui, triquité. Il a été triquité. Il a été triquité. Arrêtez de triquité. Tu te rappelles de cette vidéo, quoi? Il y avait un mec, il faisait des vidéos, il disait arrêtez de triquité. Oui. Si, ça a fait le buzz il y a quelques années. Ouais, si. Ouais, mopette, là. Ça y est. Bon, Piggy, ça va. Alors. Ouais, Kermit. Je vais vous passer le thème du film. Ah. Tout de suite, parce que je l'ai entendu, je me suis dit, ah ouais, c'était ça? Alors, écoutez bien, est-ce que vous allez le trouver ou pas? Moi, en tout cas, ça me parlait pas. Ça donne ça. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ouais, ça me dit que c'est vraiment ça chie, quoi. Il n'y a que de la contrebasse, quoi. Oui, bah, il n'y a pas que de la contrebasse, écoute. Ouais. Alors. Très jazz. Ouais, ça fait jazzy, ouais. Alors, tu me dis que c'est à chier, et cependant, c'est de Vladimir Kosma, la musique. Ah, sérieux? Donc, c'est un film français, alors? Oui. C'est un film français. D'accord. Ok. Mais ça chie. Est-ce que maintenant il serait capable d'essayer de se rattraper, tu sais, mais... Est-ce que parmi les acteurs, il y en a qui est mort il n'y a pas très longtemps? Ils sont tous morts. Tu penses à qui comme acteur? La même chose que toi, gros dégueulasse. J'ai pas dit que tu penses à Jean Rochefort. Non, pas du tout. D'accord. Ah ouais. Il n'est pas dedans. Et tu pensais à quel film? Bah, un éléphant, ça trompe énormément. Eh bien non, c'est pas ça. Ok. Oh. Ah, alors, je vais remettre un peu la musique, ça va peut-être t'aider. Ah, c'est sympa. Il y a Catherine Deneuve? Pas du tout. Non. Est-ce qu'il y a Pierre Richard? Non plus. Est-ce que c'est un film de Jean-Yann? Non. Là, cette partie-là, elle me dit quelque chose. Ah ouais, mais le début ne me dit rien du tout. Cette partie, effectivement, me parlait un petit peu plus, mais franchement, je ne savais pas du tout ce que c'était. Alors, est-ce que c'est. Il y a Mireille Dac. Non, il n'y a pas Mireille Dac. Est-ce que c'est un rapport avec Weber? Non. Lelouch. Non plus. Mais. 82, hein, c'est dans la même veine que les Weber et tout ça. C'est Jean-Marie Poiret qui a fait le film. D'accord. Alors, je vais vous donner le premier extrait sonore, enfin le premier extrait de dialogue du film, et à ce moment-là, vous allez dire « Ah mais oui, mais c'est ça !» Attends, allez, est-ce que c'est un rapport avec un des mecs qui a vécu sur Neschamps? Gérard Depardieu. Non, alors non, il n'y a pas Depardieu dedans. Ok. Bon, attention parce que là. Il a pas vécu, Nech. Hein, je vais couper vos micros tout de suite, sinon tout le monde va le dire à l'antenne dans deux secondes. Deux secondes et demie peut-être. On ne doit pas le dire pour l'instant. On ne doit pas le dire. Alors. Non. Écoutez bien, écoutez bien cet extrait de film. Qu'est-ce qui se passe? Ma veste est pleine de cambouis. Non, où est-ce que vous êtes taché comme ça, M. Moiseau? Je vous présente toutes mes confuses. Et vous confuses? Vous n'imaginez pas que je vais aller réveiller chez Castel avec ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde? Non, c'est Cloug. Oh. Bah oui. Alors. Ah ouais. Et il y a même question de Doubichou dedans. Oui, bien sûr. Ah bah oui. Doubichou de Sofia. Il y a clavier, la main sous les claviers. Oui. Clavier, est-ce que ça a un rapport avec Thérèse? Oui. Alors, je ne l'ai pas mis cet extrait. Comment tu t'appelles? Je me suis dit, non, ça va. Écoutez, ça va pas Thérèse, justement, je me disais. Bon, je peux passer tout de suite à un deuxième extrait parce que franchement, on les connaît tous. Pour vous donner un petit peu la petite histoire, c'est que j'ai regardé le film et je me suis dit, qu'est-ce que je vais reprendre qu'ils ne connaissent pas dans le film. Parce que toutes les répliques sont cultes. Ah oui. C'est un truc de dingue. Mais je me suis dit, il n'y a aucune réplique qui n'est pas culte, en fait, dedans. Exactement. La musique, en fait, c'est celle du générique de fin. Si oui, c'est ça. C'est ça. C'est le thème. Avec le zoo. Ouais. D'accord. C'est le thème. Alors, donc je vais vous passer tout de suite le troisième extrait. Bon, alors, 208-060-280. Eh ben voilà, ça c'est tout la sécu, ça. Il vous donne un numéro, ça rentre même pas dans les cases. Regardez. Qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases, ça déborde? Eh ben oui, il n'y a pas assez de place pour les réponses. Bah, exercez-vous une activité professionnelle, ça dépend. Oui, ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Mais évidemment, ça dépasse, c'est ce que je vous dis depuis une heure. Oh, elle se croit plus maligne qu'à tout le monde, celle-là, hein. Qu'est-ce que c'est que ça, Zizette épouse X? Zizette épouse X. Et vous savez pas lire? Là, regardez, il y a écrit en tout petit. Pour les femmes mariées ou veuves, mettre le nom de la jeune fille, suivi de 2 points, épouse X ou veuve Y. Alors moi j'ai mis ZZ épouse X. Mais et X, vous êtes mariée à X peut-être? Mais non, je n'ai pas de mari, seulement je peux pas leur dire, je suis enceinte jusqu'aux dents, ça fait mauvais genre. Mais des dents, vous avez fait des ratures partout, vous avez tout salopé ma feuille! Sac à merde! Non mais qu'est-ce qu'elle me dit la mongolienne là? Tête de rat! Tu vois ce que j'en fais, moi de ta feuille pauvre con! La mongolienne. Bon, j'ai coupé hein, parce que ça faisait très très long comme extrait. Ouais, tu pourrais mettre tout le mais film, tout hein. Est beau, bah, c'est ça, c'est ça. Les répliques. Bon, et il y a encore un extrait que je vais vous passer et que je trouve excellent. C'est celui-ci. Non, écoutez bien. Vous pouvez venir m'aider, je n'arrive pas à retirer le boîtier. Oh, si vous pouviez faire levier, je pourrais m'introduire. J'arrive. Venez voir par ici. Si vous pouviez faire levier sur le boîtier, je pourrais peut-être arriver à glisser un doigt. Voilà, attendez. Voilà, allons. Oh putain de ta mère, salope! Prends-moi ça! Bravo! Ce qui devait t'arriver est arrivé! Putain de ta mère, salope! Je suis navré, Pierre, c'est entièrement de ma faute. Je suis tellement maladroite. Excusez-moi, Thérèse! La douleur m'a fait dire des choses affreusement grossières que je ne pensais pas, cela va sans dire! Non, c'était dit sans méchanceté, je ne connais même pas votre mère. C'est voilà. Eh oui, on l'a reconnu, on peut le dire. Bah oui, Lou, forcément. Lou, tu peux nous donner le titre. C'était la fille du Père Noël. Non. Le Père Noël est une ordure. Oh merde. Le Père Noël est une ordure. D'ailleurs, qui n'est pas le titre original. Non. Alors je vais en parler original, justement. Et je vais vous passer donc une chanson culte qu'on entend dans le film. Destiné. C'est ça. Hein. Ouais. Ouais. Voir nos chemins, qui était utilisé dans 2 films d'ailleurs. Oui. Dans les Soudoués aussi. Les Soudoués en vacances. Avec sa machine pour analyser ça. Les coups qui étaient faits pour. La Love Machine. Ouais, la Love Machine. Alors, justement, le donc. Ça, c'était... Alors, donc Jacques François, donc, qui joue le pharmacien qu'on a entendu dans le premier extrait, a accepté de jouer gratuitement dans le film, la production ne pouvant lui payer son cachet habituel très élevé. Il préféra donc jouer son rôle gratuitement plutôt que d'accepter le cachet dérisoire proposé. Jean-Marie Poiré, l'ayant beaucoup apprécié, il le fera tourner dans la plupart de ses films suivants, notamment dans Papy fait de la Résistance ou l'Opération Cornet de Bif ou encore Les Visiteurs 2. Qui était d'ailleurs qui jouait dans le feuilleton Vivement Lundi. Oui, exact. Vous vous rappelez de Vivement Lundi? Oui, ouais, avec Bernard Ménez également. Exactement. Et Elie Semoun. Et puis la bonne femme là qui était Katia Katchenko, je sais pas quoi, enfin... Oui, je me souviens plus de son nom, mais ouais, je vois qui. Qui était joli. Oui. Alors donc le slow entre Pierre et Katia est dansé donc sur la chanson de Guy Marchand « Destinée », qui n'était pas celle prévue à l'origine. Les images ont été tournées avec « Pauvre Diable » de Julio Iglesias en fond sonore, mais il s'est avéré impossible d'obtenir les droits de la chanson. Vladimir Cosma, chargé de trouver une chanson avec un rythme similaire, a repris « Destinée » qu'il avait composé avec Guy Marchand pour le film « Les Soudoués en vacances » sorti en 81. C'est sorti avant Oui, sorti un an avant. Les dialogues ont été réenregistrés, on entend Katia demander « Vous aimez ce genre de musique ?» alors qu'il dit en réalité « Vous aimez Julio Iglesias ?» Tandis que la réponse « C'est un grand chanteur » de Pierre est remplacée par « C'est très joliment chanté ». Effectivement, quand on regarde les labiales, en fait, quand on regarde les mouvements des lèvres, des personnes, on se rend compte qu'ils disent pas ça en fait. Mais tu regardes les lèvres inférieures ou supérieures ? Supérieures. Alors donc, d'ailleurs, Guy Marchand devait faire un caméo dans le film, donc il devait apparaître dans le film, mais frustré par le tube destiné qui figurait dans Les Soudoués en vacances, il ne souhaitait plus être associé à cette chanson qu'il trouvait fait facilement et ne pas être considéré comme un chanteur de variété de l'époque, alors qu'il était avant tout un jazzman ou musicien de jazz, avec des années de carrière derrière lui, d'autant plus qu'il avait l'estime de grands noms du jazz comme Michel Petrucciani, Al Jarreau, George Benson ou Claude Nougaro. Mais cette chanson restera pour le grand public la plus connue de ce crooner, bien malgré lui. Guy Marchand renoncera finalement à faire un caméo pour le film, mais autorisera la diffusion de la chanson destinée dans le film. Le père, Le Père Noël est une ordure devait à l'origine s'intituler « Le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul ». Ah oui, c'est ça. Un titre finalement abandonné car jugé trop virulent. Mais je pense que la pièce de théâtre, ils avaient utilisé ce titre-là au début. Oui, impossible. Oui. Et après, c'est devenu « Le Père Noël est une ordure ». Oui, ça a changé par la suite. Comme les bronzés, c'était coquillages et crustacés, je crois, un truc comme ça. Ah, c'est mieux les bronzés. Ouais, forcément. Alors donc, sorti en août 82, Le Père Noël est une ordure a connu des problèmes de publicité à l'époque de son arrivée dans les salles françaises. RATP et la ville de Paris ont en effet refusé de louer les emplacements publicitaires pour l'affiche du film car son titre était jugé politiquement incorrect. Ah ouais. Certains cinémas ont ajouté diverses mentions sur leurs affiches. Le Père Noël est une ordure, trois petits points, pas le vrai, ou encore Le Père Noël est presque une ordure. Enfin, la première scène du film a réellement été tournée sur les grands boulevards de Paris au moment de Noël, et ce sans autorisation de la part des grands magasins. Gérard Jugnot était caché dans une camionnette, sortait quelques instants pour les prises, et l'équipe de tournage utilisera par la suite un nom de code en appelant ça les bronzés fêtes Noël. Ah ouais. Et enfin, donc, Le Père Noël est une ordure a fait l'objet d'un remake tardif américain en 94, intitulé Mixed Nuts. Le film a été réalisé par Nora Ephron avec Steve Martin, Juliette Lewis et Adam Sandler dans les rôles principaux. Oui, c'était pas ça le titre, c'était Santa Claus is a Motherfucker. Ouais. Non, justement, ils ont pas repris ce titre-là. Non. Presque a Motherfucker. Ouais. Almost. Voilà. Ah oui, alors. Justement, je voulais demander, parce que c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, pour ceux qui ont pu voir la pièce de théâtre. Ah, ça, c'est complètement. Oui, ça n'a rien à voir. Alors, la fin est complètement différente. Ah oui, complètement. La fin différente. Il n'y a pas d'extérieur. C'est ça. Il n'y a pas de tournage possible. La partie ISO, c'est pas possible. Ouais. Moi, à la fin de la pièce de théâtre, l'immeuble explose, en fait, parce que pendant toute la pièce, c'est Preskovic, donc le voisin du dessus, qui, en fait, cherche désespérément à parler, à se confier, alors qu'eux s'en foutent complètement. Et à la fin, il ouvre le gaz et il fait exploser l'immeuble. Mais c'est vrai que c'est un film complètement à l'ouest, puisqu'à la fin, ça finit, mais c'est gore. Ils doivent débiter le corps du dépanneur. C'est gore, moi je m'attendais pas à ça à la fin du film, parce qu'en ayant vu la pièce de théâtre plusieurs fois, j'ai pas vu. Voilà, donc c'est pas un film pour enfants, faut quand même le préciser. Ne serait-ce que pour les dialogues. Ah ben, mais c'est clair. C'est très caustique. C'est quand même curieux que ce soit sorti en août. Oui. Parce que bon voilà, c'est pas la période où... Ouais, mais ça aurait foutu mal si tu l'avais sorti en plein moment de Noël. Bah si, c'est sympa. Je sais pas, j'ai pas vu. Pour sortir en famille, t'as jamais vu Le Père Noël? Ouais, bah tu. Ouais, mais attends. Sérieux, tu as jamais vu bien que les gosses qui auraient été voir ça, je crois qu'ils auraient été quand même choqués. C'est un château. Des trucs, les répliques, elles te marquent. Mais c'est ça. Et j'ai eu un mal de chien à trouver des répliques parce que toutes les répliques sont cultes. toutes les répliques que j'entendais, je me suis dit, bah non, je vais pas mettre ça, ils vont le trouver tout de suite. C'est vrai que j'ai écouté la phrase juste après, bah non, je peux pas mettre ça non plus, ils vont le trouver tout de suite. Très c'est bien. Comme c'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. C'est Doubichou, c'est roulé sous les aisselles. Enfin, toutes ces répliques-là, tout le monde les connaît. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux mettre ? À part Martin Lamotte, parce que oui, il y a Martin Lamotte qui joue dedans. Il y a Martin Lamotte à un moment qui est dans l'escalier et qui gueule. Je me suis dit, si je mets ça. On va le trouver tout de oui, suite. Oui, c'est encore de l'ancien voisin du. Je sais plus. Bah oui, c'est ça. Il est en train de quoi ? Bah, c'est ce qu'il répond, parce que ça fait des. Il y a une espèce de. Mais non, c'est ce qu'il dit dans la réplique, Lamotte. Ouais. Parce qu'il va gueuler dans la cage d'escalier. Ouais, c'est encore. Avec sa femme, hein, il dit rentre, je sais plus, choupette ou doudou, un truc comme ça. Il dit c'est encore l'enculé de voisin, les enculés de voisin du troisième ou un truc comme ça. Ah, d'accord. Mais c'est comme dans nos chers voisins. On le voit dans nos chers voisins. Non, je pense pas, non. Je crois pas non plus. Eh ben, écoute, merci pour cette rétrospective. Donc, Le Père Noël est une ordure. Vous l'aviez vu, Loulou, tu l'avais vu, évidemment. Oui, tout à fait, oui. J'ai vu Le Père Noël est une ordure. Blanche-Fesse et les sept mains. Ouais. Et qui existe vraiment, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Tout oui, tout là, ouais. En fait, l'année 80, moi, c'est Canal+, c'était les films à minuit, surtout qui m'intéressaient. Mais, c'était le samedi aussi, c'était que le samedi. Hein. En fait, j'avais pas Canal+, j'avais une passoire. Le fameux système de la passoire. T'as des codes décodeurs, tout à fait. Mais à la fin du film, on est quand même mal aux yeux. Hein. Oui, fallait mettre des gouttes avant d'aller se coucher. Ou alors. Bah, l'abonnement coûtait cher, même pour regarder un film de slip une fois par mois. Enfin, le film avait des ampoules sur les mains, mais bon. Ou alors, il fallait avoir Parkinson. Non, mais le coût de l'abonnement faisait mal au cul pour regarder un film de boule une fois par mois. Ah, mais il y avait des rediffs, hein, je crois. Pardon ? Il y avait des rediffs. Ouais, mais c'est le même. Pas en clair. Ah, bah non, pas en clair. Non. Le mercredi matin. Bon, allez, le temps passe très vite. On va se faire une petite coupure musicale et on va retrouver Bangster avec. Bah non, on va se la faire en live. La coupure musicale, tiens, dis donc. Ça a été long ton histoire du Père Noël, là. C'est incroyable. C'est parce que t'es impatient. Sois patient quand même. Je sais pas. C'est parce que j'ai les bêtes dans ma tête qui me dit quand est-ce qu'on joue, voilà. Et ça démange. On va se faire. Alors ça, c'est des morpions, ça. Tu te fiches de moi, c'est bien tu ça. Tu te fiches de moi, oui. Tu te fiches de moi. Mais vous n'allez pas vous fiches de nous. Non. Puisqu'en fait, ça va plus être. Plus, dans la chanson, on parle de Moucron. Hein. Ah, ouais, bah alors, on va découvrir ça. Ouais, à la fin, on va parler de Moucron un petit peu. Hein. Tu te fiches de moi, donc un titre de Bangster. Attends, en live. Cette chanson, elle a une histoire. Hein. Ah, bah raconte-moi. Et c'est vrai, parce que j'étais sous la douche un matin, elle m'est venue comme ça. Les bêtes dans ma tête m'ont chanté la chanson, et c'est comme ça qu'elle est née. C'est pas faux. Et c'est vrai. Ouais. Ah ouais. Exactement. Et en chantant un peu partout, tu dis tiens. Elles m'ont chanté sous la douche la chanson et après j'ai fini les paroles, tout le texte écrit. Exact. Voilà. Ouais. Ah, t'étais avec. T'étais avec moi sous la douche. Ouais, parce qu'elle dit exact, exact, j'étais là. Vous êtes prêtes, les filles ? Fabrice. Dans le marais au Domarois, je t'ai perdu l'autre fois. Derrière le bois de Falenfin, t'as posé un lapin. Devant les gares de Tourcoing, tu m'as laissé seul dans un coin. Dans le béguinage de Courtrai, tu m'as carreaux. Station 4 cantons, j'ai l'air d'un con. J'ai tant envie de toi, j'ai tant envie de toi, j'ai tant envie de toi, j'ai tant envie de toi, j'ai tant envie de toi. Mais tu te fiches de moi, tu te fiches de moi, tu te fiches de moi, tu te fiches de moi, tu te fiches de moi. En baladant au parc Barbieux, j'ai cru apercevoir tes yeux sur le parvis de l'opéra. J'ai fait les 100 pas. Dimanche au marché de Voisin, je voulais t'offrir un café crème. Et jamais venu au rencard, j'ai fini au Ricard. J'ai tant envie de toi, j'ai tant envie de toi, j'ai tant envie de toi, j'ai tant envie de toi, j'ai tant envie de toi. Tu te fiches de moi, tu te fiches de moi. Tu te fiches de moi, tu te fiches de moi, tu te fiches de moi. Mais dans les ortillonnages d'Amiens, sur la digue de Malo-les-Bains, tu m'as lâché la main, mine de rien. Confondu la plage de Berck et le carnaval de Dunkerque. Je n'ai vraiment plus d'illusions, je me saoulais à Moucron. Je n'ai vraiment plus d'illusions, je me saoulais à Moucron. J'ai tant envie de toi, j'ai tant envie de toi, j'ai tant envie de toi, j'ai tant envie de toi, j'ai tant envie de toi. Mais tu te fiches de moi, tu te fiches de moi, tu te fiches de moi, tu te fiches de moi, tu te fiches de moi. Te fiche de moi du groupe Banksterre. Mais dis donc, vous pourriez être sponsorisé par par la région, par les Hauts-de-France, parce que vous nous parlez de Moucron, de Tourcoing, de Villeneuve-d'Ascq, de Lille. Et on finit par se saouler à Moucron. Ah ouais, absolument, mais c'est toujours, on finit toujours par se saouler à Moucron. Tout est bon, ouais. Mais ça c'est. À Moucron, elle est récente cette chanson. Tout est bon. Non. Si. Ah ouais. Non, il l'a écrite il y a très longtemps. Ouais. Non, je l'ai écrite il y a une dizaine d'années. C'est une chanson qui a évolué dans le temps. Ouais. D'accord. Voilà, il l'aimait pas au départ, et moi je l'adorais. Et en fait, tu vois, c'est Lorraine est arrivée voilà, avec ses gros sabots. Mais pourquoi est-ce qu'à la fin vous terminez pas plutôt par pour que ce soit un peu plus à la mode, je me suis saoulé avec Macron. Ah, mais si tu veux, on a une chanson ça, avec c'est de la science-fiction vraiment, oui. Là, c'est pas possible. Alors, on a une chanson avec Macron d'ailleurs. Non, ah ouais, sérieux? Non, oui, tout à l'heure on parle un peu de Macron, mais bon, vous verrez, c'est une surprise. Ah bah, avec chers auditeurs, ne nous quittez pas, il y aura des surprises encore. J'ai vu trois mots avec Macron. Ouais, ce serait pas mal ça. J'ai vu trois mots avec Macron. Ah tiens, faut le noter ça. Ça peut le faire. Et puis une Westmal avec Emmanuel Valls. C'est déjà plus compliqué là. Et on pourrait être auteur aussi, on pourrait écrire des chansons. Hein. Enfin, non, ça 4. C'est une illusion. Hein. Il y a des chansons grivoises, ça tirait bien, toi. Ah oui. On va en chanter une aussi, tu vas voir. Oui. Ah oui, on adorerait. Oui. Bah ouais, tu sais que nous, on aime le cul. Hein. Ah bah oui, mais je vais on vous rappelle, on joue au plan B. Hein. Ah bah en plus, ouais, en plus. Et pas au poids G. Hein. Et si tu comprends, c'est que tu t'es planté, donc après tu seras pas sur le plan cul. Mais le point G existe vraiment. Oui, oui, on a le restaurant, oui, le point G existe. Ah oui, tout à fait. Ouais. Donc oui, effectivement, tu fais bien de le rappeler, puisqu'on va vous retrouver donc ce vendredi soir à partir de 20h, donc au plan B, donc chez Franz. C'est juste en face donc de la gare d'Herzau. Vous pouvez pas le louper. Puis de toute façon, vous verrez, il y aura du monde dans le café, et puis vous entendrez de l'extérieur, parce que vous avez vu le boucan qu'ils font. Donc vous allez les entendre, c'est à partir de 20h, c'est vendredi soir, c'est gratuit. Alors surtout, n'hésitez pas à y aller. On va rebalancer l'événement. Et puis... Ça, ah ouais, lapsus révélateur. On va balancer les vêtements. Je ne pas dire que c'était une partouze, arrête. Donc on va commencer. Alors, on va faire une petite coupure musicale. Sherlock, dis donc. Oui. Je sais pas, avec. Bah, parce que toi, tu as tes envies, voilà. J'en sais rien. Ça me fait peur, ça. Oh, ça me fait peur. Phil Collins avec You Can Hurry Love. Ah, c'est bien. Ouais. Reprise des Supremes. Et un petit Adoshin. Ah, ouais, bon, allez, un petit Adoshin. Attends. T'as pas un petit forban ou un petit vagabond par semaine? Non, non, on m'a demandé un Indochine tout à l'heure. Et un petit Fisher Z. Alors, Indochine. Un petit quoi? Trois nuits par Fisher semaine. Fisher Z. Voilà. C'est quoi Fisher Z? C'est un groupe anglais. Ah, je connais Fisher Price. Alors, donc Phil Collins avec You Can Hurry Love et Indochine avec Trois nuits par semaine. Ah ouais. Ah ouais. C'est ouais, pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup, ouais. C'est pas beaucoup. Mais c'est mieux que rien, Harry. Bah, ça va quand c'est 3 nuits par an. Alors, ouais, et on se retrouve tout de suite après ça, c'est parti. C'est pas des poussières, c'est un ramonage. Ouais. Bonjour, c'est Sabine Paturet et vous êtes sur RQC et c'est 80 à l'heure. Ah mon petit bouchon, Sabine Paturet, mais je sens que Louis préfère ma petite capsule. Pas vrai? Ma petite capsule? Ouais, plutôt que mon petit bouchon. Mon petit bouchon, ma petite capsule, ouais, je sais pas, ouais. Ah ouais, bon, c'est pas grave. C'est tombé à plat, je crois. Ouais, écoute, t'as fait une vanne tout pourrie, c'est pas grave. Bah ouais. T'as essayé, sais. Hein. Je sais. Bon, ouais. Nous sommes avec Bankster en parlant de vanne tout pourrie. Oh là, tout le monde rigole, par contre. Ah ouais, là, tu ris, moi. Hein. Elle est pas si pourrie que ça. Tarte ta gueule à la récré. Et vous savez qu'aujourd'hui, quand même, on fête les 20 ans de Netflix. C'est vrai. Ouais. Ça fait 20 ans que ça existe, Netflix. Et ouais, ouais. Et à l'époque Netflix, quand c'était sorti, c'était de la location de films. Ah oui. Et ouais, c'était qu'on allait chercher à la poste. Et après, ils ont pris évidemment le virage Internet et tout ça. Enfin bref, vous connaissez maintenant Netflix. Mm-hmm. Vous allez sur Netflix, vous commandez vos films et puis vous pouvez les voir. Et c'est pas ça qui est très intéressant. En fait, ce qui est intéressant, c'est comment fonctionne Netflix. Et j'ai entendu c'est un reportage aujourd'hui où c'est énorme. Vous connaissez le Big Data? Ça vous parle ou pas? Ouais. Oui. Moi, je connais le Big Bazar de Brice, mais à part ça... Le Big Bazar de Brice, non. Onissa, ça te parle, le Big Data? Non, je pensais que tu parlais du Big Data de Brice. Non. Ça ne parle pas encore, non? J'assume. Eh bien, figurez-vous, alors Netflix aujourd'hui produit des films. Ils produisent des films, hein, oui. Carrément, il faut le dire. D'après ce que j'ai pu entendre, aujourd'hui, ils produisent autant que DreamWorks, plus je ne sais plus quelle maison de prod, et une troisième. C'est-à-dire que c'est les premiers au monde à produire des films, ça faut le savoir. Et en fait, le big data, je vous cite un exemple, vous connaissez House of Cards? Oui, j'en ai déjà entendu parler. Voilà. Oui. Et en fait, à l'origine, c'était un feuilleton anglais. Et Netflix, en fait, tout simplement, a fait une étude avec des algorithmes pour essayer de savoir qui regardait ce feuilleton. Et ils se sont rendu compte que ceux qui regardaient ce feuilleton, c'était des gens qui aimaient beaucoup Kevin Spacey. Pour le citer au passage, qu'ils aimaient tel type de film, tel type d'action, ça allait très très loin, et c'est là qu'ils ont fait donc le feuilleton qu'on connaît maintenant et qui marche du feu de Dieu. Et en fait, il fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'ils arrivent, c'est un peu comme quand on a les habitudes de consommation. Et en réalité, quand vous regardez Netflix, il vous flique, c'est cas de le dire, pour savoir quel type de film vous regardez, et ils arrivent à produire des films en se disant, bah tiens, on sait qu'aujourd'hui, tel type de profil... Ils envoient des cookies. Ouais, mais c'est énorme. Mais c'est énorme. Et ça veut dire que quelque part, bah voilà, on est un peu dans un monde de consommation. Je savais que ça existait pour des produits, mais dans l'univers du cinéma, dans le monde du cinéma, c'est énorme. Et ils sont capables, avec les algorithmes, de dire, voilà, aujourd'hui, un film qui peut marcher, c'est tel type d'ambiance, tel type de film, avec tel type d'acteur. Et c'est pour ça qu'ils arrivent aujourd'hui à fonctionner comme ils fonctionnent. Et je trouve ça à la fois bien et quelque part un peu dramatique. Ouais, ils font des trucs pourris aussi. Ouais, bah, je me doute. Mais regarde, il y a apparemment Narco qui marche très très bien. Et Narco est un film un peu docu-film, voilà, entre les deux. En fait, ils se servent des habitudes de... Des consommateurs. C'est pas des consommateurs, hein, c'est de l'audience, les habitudes, ce qu'ils regardent. Et ils se servent de tout ça en se disant, bah, tiens, pour que ça fonctionne, un film, il doit avoir tel type de musique, tel réalisateur aussi. Tel réalisateur, donc ils vont chercher un réalisateur, ils vont chercher un producteur, ils vont chercher des comédiens, ils vont chercher un scénario, ils vont chercher une ambiance, un style de film, et ils arrivent, et je trouve ça quelque part génial, et quelque part ça fait peur. Ouais, mais enfin, ouais. Et au niveau musical, on y est aussi. Il n'y a plus de limite. Au niveau musical, on y est aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des producteurs qui sont capables, grâce à Internet, de dire, voilà, le type de musique qui fonctionne, c'est ça. Il n'y a pas besoin d'Internet, il faut demander à Lou. Ouais, non, mais bien sûr. Mais pourquoi aujourd'hui, sincèrement, quand on passe. Qu'est-ce que tu viens m'emmerder? T'as lâché le tranquille dans mon coin, et puis. Non, mais pourquoi. En plus, pour une fois qu'il y a des calmes. Sincèrement, pourquoi Maître Gims marche? Pourquoi l'artiste marche? C'est tout simplement parce qu'on a été chercher des coutumes d'écoute, quel type de musique on écoute, et on a créé des gens comme l'artiste et Maître Gims. Mais vraiment, réellement, ce sont des produits de consommation. Alors, si vous voulez sortir de tous ces produits de consommation, venez écouter Bankster. Eh ben carrément, et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire, on va écouter Bangster. On a déjà entendu deux titres en live, et alors le suivant. Alors le suivant s'appelle, en fait il y a bien plus grave que le chômage, tu sais, dans la vie. Hein. C'est vrai. Hein, c'est Harry qu'on t'appelle ici, j'ai cru comprendre. Oui, pas Stéphane, ouais. Oui. Stéphane c'est notre DJ. Mais, Harry, tu sais qu'il y a bien plus grave que le chômage dans la vie. Hein. C'est vrai. Oui, tu vas voir, je vais t'expliquer. Alors c'est à prendre au troisième ou cinquième degré, je sais pas. Nous on prend tout. Enfin, je m'entends bien. Ouais, je savais. Ouais. Si, on a bien pris Flip 4. Ouais, ça, je voulais pas que je vous avais pas vu, c'est à vous risquer les épées. Eh ouais, avec. Il y a bien plus grave que le chômage, allez, sais-tu. Hein. Hey yo, pipou, pipou, pipou. Y a bien plus grave que le chômage, le sort de Nabila, l'ascenseur social en panne. T'as vu le but de Zlatan, les retraités désargentés, tandis que l'amour est dans le pré et des milliers de mal logés. Contre les Marseillais, yo pipo pipo pop, y'a bien plus grave que le chômage, yo pipo pipo pop, y'a bien plus grave que le chômage, yo pipo pipo pop, y'a bien plus grave que le chômage, yo pipo pipo pop, y'a bien plus grave que le chômage, y'a bien plus grave que le chômage, le sort de Benzema, la détresse sociale s'aggrave, les enfoirés en récital. Des ouvriers morts amiantés, heureusement qu'on a riqué. Nos politiques toujours pourries, c'est magnifique, plus belle la vie. Yo pipo pipo pop, y'a bien plus grave que le chômage. Yo pipo pipo pop, y'a bien plus grave que le chômage. Yo pipo pipo pop, y'a bien plus grave que le chômage. Yo pipo pipo pop, y'a bien plus grave que le chômage. Y'a bien plus grave que le chômage. Y'a Cyril Hanouna, oh putain, qu'est-ce qu'il est grave celui-là. Les violences patronales, on a viré plus Janas. Des émigrés vivent dans la crasse, et tout le monde doit prendre sa place. Les enfants qui vont faire la manche, alors vivement dimanche. Yo pipo pipo pop, y'a bien plus grave que le chômage. Yo pipo pipo pop, y'a bien plus grave que le chômage. Yo pipo pipo pop, chômage, y'a bien plus grave que le chômage. L'enfer de Loana, la hausse des fonds nationales, qu'a fait son festival. Des banlieues de plus en plus tristes, le président préfère les riches. Hier encore j'étais Charlie, mais toujours tu seras Johnny. Yo pipo pipo pop, y'a bien plus grave que le chômage. Yo pipo pipo pop, y'a bien plus grave que le chômage. Yo pipo pipo pop, y'a bien plus grave que le chômage. Yo pipo pipo pop, y'a bien plus grave que le chômage. Tu l'as vu à la télé, c'est que c'est vrai. Entendu à la radio, c'est pas faux. Tu l'as vu à la télé, c'est que c'est vrai. Ça t'écrit dans les journaux, c'est pas faux. Tu l'as vu à la télé, c'est que c'est vrai. Ça t'écrit dans l'oreille claire, c'est pas clair. C'est sur internet, c'est clarinette. Yo pipo pipo pop, y'a bien plus grave que le chômage. Yo pipo pipo pop, y'a bien plus grave que le chômage. Yo pipo pipo pop, y'a bien plus grave que le chômage. Yo pipo pipo pop, y'a bien plus grave que le chômage. Yo pipo pipo pop. Alors, il y a bien plus grave que le chômage du groupe Bangster. Alors, par contre, moi, je lis les paroles en même temps. Il y a un moment, voilà. C'est normal, ils adaptent à la situation. Oui, parce que l'histoire du président qui, avec l'actrice, moi, je ne l'ai pas entendue. Hein. Oui, oui, non, mais c'était avant, c'était avec François Hollande. Voilà. Ah, donc, oui, les paroles, c'était ça, des banlieues de plus en plus tristes, le président baise une actrice. C'est ça. Oui, c'était le texte original. Maintenant que c'est M. Macron, donc c'est... des banlieues de plus en plus tristes. Le président préfère les riches. Mais je l'ai dit, tout ça, c'est de la science-fiction. C'est de la science-fiction. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Non, mais tu prends tes responsabilités, Harry. Non, non, non, mais je parle pas au niveau politique. Mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui. Non, oui, voilà. Les chansons évoluent. Tu sais, souvent, les textes évoluent. Les musiques aussi évoluent. Bien sûr, je suis d'accord. Une chanson, c'est jamais figé. C'est vivant. C'est voilà. C'est la messe du président est plus riche. Bon, heureusement, on n'a pas entendu Brice. C'est bien, il n'a pas parlé dans le micro pour une fois. La peste du président est plus riche. Oui, c'est vrai, c'est pas faux, c'est pas faux. Après, on prend une chanson pour les riches, justement. Ah, bah voilà, bah, voilà. Pour Sherlock. C'est une, ah bon c'est sera... bah, tu roules pas avec une Renault 5, toi. Bon, sera, donc nous sommes avec le groupe Banksterre. Pour les riches, hein. Tout à l'heure. Hein. Eh bien, il n'y a pas de souci. On va rire. Il y a pas de rire. Fais-nous rire un peu. Ah, non, jamais. Jamais. Jamais. Moi, je suis sérieux. Je suis là pour. Allez, Harry, montre-nous tes talents. Bon, alors, vous avez compris, on est avec le groupe Banksterre. Vous le découvrez ou vous le redécouvrez. Alors, il faut les voir en live, honnêtement, parce que c'est à la fois auditif, mais c'est aussi visuel. Il faut voir aussi Lorraine hein, qui joue. Alors, c'est, pas, c'est du tuba, là ou, non, c'est du, c'est un autre instrument. C'est exactement, ça s'appelle un saxhorn. Donc, c'est effectivement, le saxhorn a été fabriqué par Adolf Sax. Ouais. Donc, qui a fabriqué les célèbres saxophones. Donc, c'est un dérivé. Donc, c'est une petite basse, en fait. C'est le juste, enfin, on va dire, c'est le milieu entre l'euphonium qui est plus aigu et le gros tuba qui est plus imposant. Donc, je suis déjà venu avec la rétrofanfare. Ouais. Voilà, donc c'est le petit tuba, donc la petite basse, qui est capable de jouer aussi bien de la basse que des contre-champs un peu plus fournis. Voilà. Alors, et on rappelle que. Tu joues vraiment avec, parce que tout à l'heure tu nous disais que c'était hors une harmonie ou un genre de choses, c'est que vraiment tu fais des sons qui sont complètement alors, différents. Alors la difficulté en fait, c'est pour être honnête, c'est guitariste tuba, moi j'ai jamais appris, moi je sors du conservatoire, où là Loulou va pas me contredire, on va me mettre une partition, ben c'est open, c'est hop, c'est tout droit, c'est carré, enfin pas forcément tout de suite, mais... Voilà, on sait ce qu'on va avoir, etc. Là, je suis. Quand il m'avait proposé, même moi, au départ, quand il m'avait proposé de jouer avec lui, je me suis dit, je vais arriver le jour même, ça va être bon. Hein. Et non, et quand on a commencé à répéter pour le concert Moulfrit de la Braderie Lille, là, je me suis dit, ah ouais, non, en fait, on a bien fait de se voir avant, c'est vraiment quelque chose de différent. De temps en temps, il siffle la mélodie qu'il veut que je joue derrière. Et après, tu te démerdes. Mais après, tu te démerdes. Mais t'as pas de partition en fait. J'ai c'est aucune partition maintenant, tu vois, mon cahier il est devant toi. C'est, ouais. c'est des pas... paroles avec des repères. Après, bon, c'est. Ouais, c'est... Ce qui vous permet aussi hein, une certaine liberté, de certaines impros, j'imagine. Où, je vois Brice par exemple. Brice, mais les percussionnistes, c'est pas la même chose. Parce que... Ah oui. Donne ton micro. Prends le micro, ouais. Mais mets-le devant ta bouche. Mais moi, c'est simple. Quand je joue, je pense toujours à une chose. Je dis, le sax, c'est bien, mais le sexe, c'est mieux. C'est comme ça que j'arrive. Je répète tout le temps ça et ça marche. Et on a l'impression d'entendre Francky Vincent. Le sax, c'est bien. Le sexe, c'est mieux. Et ça tourne. Quel que soit le morceau, toi. Ouais, peut-être. C'est le secret de la porte. Quel que soit le morceau, les années 80, le fric, c'est chic. Donc, vous l'avez compris. Comme quoi, qu'il n'y a pas que le sax dans la vie. C'est ça. Et il y a le plan B. Et il y a le plan B. Donc, si vous voulez les voir en live, et je vous invite fortement à aller les voir. Donc, c'est ce vendredi soir. Donc, c'est au plan B. Vous ne pouvez pas le louper. Hein, c'est juste en face donc, de la gare d'Erzo. Donc c'est ce vendredi soir à partir de 20h, c'est gratuit, alors vous gênez pas. Et puis vous aurez l'occasion aussi de croiser Franz qu'on aime aussi énormément. Ouais, mais non mais Harry, les boissons sont payantes quand même. Ah oui, non mais. Mais ceci dit, Banksterre vous paye la première tournée déjà. Quelle horreur. Voilà, et donc voilà, et donc, ça marche. Ça marche. Les gens qui appellent pour faire un verre gratuit. Voilà. Et eh ben, on va se faire un dernier roulette song pour ce soir. Ça marche. On va demander tiens à Brice et à Lorraine. Tiens, voilà. Allez, Lorraine, roulette song. Tu te rappelles du principe Stop. Ah ben, on reste avec Emmanuel, mais là c'est rien que pour m'endormir. Oh non, rien que toi pour m'endormir. Non, laisse tomber. Trouve autre chose. Bon, une autre. Allez, c'est parti. La phase B, c'est bon. Oui. Stop. Gloria Estefan et Miami Song Machine. Ah bah oui. Dr Beat. Ah ouais, docteur Butabo. Bah tiens, comme par hasard, ça tombe sur Lorraine. Pourtant, je m'appelle le moine. Hein. Ouais, mais la vie, c'est pas le moine. Hein. Justement, Harry, ça m'étonne qu'Onizel n'a pas dit « Oh, j'adore hein. !» C'est le titre, en fait. Alors, tu peux le chanter, là. Non, honnêtement, c'est pas le titre, déjà. Tu crains le pire, là. Attends, je vais baisser les micros. C'est Dr. Beat. Aïe, aïe, aïe, docteur. J'ai mal à ma bite. Aïe, aïe, aïe, docteur. J'ai mal à ma bite. J'ai gagné. Non, pas trop. Non. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. J'en sais rien. Bon. Allez, Véro, elle est outrée là. Allez, Brice, je relance la roulette. Stop. Et tu le fais au percu. Hein. Kid Creole and the Coconuts avec Andy Cox. Excellent. Alors vas-y. Ça fait quoi? Vas-y. C'est ça? Non. Prends le micro, Brice. Prends le micro. Ma voix, c'est Loulou la bite. Ouais, Loulou va chanter pour nous. Non, vas-y, c'est quoi déjà le titre? Endicott. Endicott, aïe. C'est celle qu'on a. Non, je te dis le no-coke, tu vois, un truc coconuts, la nuit. C'est Kid Creole. C'est Kid Creole and the Coconuts. Oh, ben c'est bien. Tiens, ouais, c'est ça, mais Loulou, vas-y, chante. Allez, vas-y. Ça ressemble à pas. Il a mal. On l'a juste répété hier. Hein. On l'a juste répété hier. C'est une bande de bon. C'est bien. Non, mais c'est vrai, t'as la roulette, là. Oh, c'est pas, c'est bien. T'as la roulette. Et on raconte ce que. C'est vrai. Allez, on va reprendre un peu le fil de l'émission quand même. Alors, on va se faire cette petite coupure musicale. Et puis, juste derrière, on va enchaîner sur les. Quoi? Je peux pas le faire pipi pendant la pause. Ah, bien sûr. Donc, il doit y aller. Il n'y a pas de souci, profitons de la pause pour se soulager. Et on se retrouve juste après pour les sorties Cinoche. Il va peut-être vous donner envie d'aller au cinéma. Ah oui. Vendredi soir. Allez, on se retrouve après ça. Burning up. 5 o'clock, and the cat's giving it all he got. And the cat's job is 6 to 9, and the cat's home by 9:05. And the cat helps to cook the steak, and the cat helps to wash the plates. And the cat puts the kids to bed, and the cat reads a book to them. Soul. And the cat put her on a pedestal. And the cat's wish is her command. But and the cat don't make no demands. And the cat's always back in time. And the cat's not the cheating kind. And the cat's full of compliments. And the cat's such a gentleman. Take care of me, oh, oh. And the cat's carrying a heavy load. And the cat never really ever moans. And the cat's not a wealthy guy, but and the cat pays the bills on time. And the cat's got ideas and plans. And the cat's what you call a real man. And the cat always will provide. And the cat is the family tie. Just like a tumbleweed, oh, oh. Maybe I need me someone, someone who isn't undone. Maybe an older woman tolerate me. Maybe that certain someone, older and wiser woman. Maybe the perfect someone satisfy me. For sure. And the guy keeps his body clean. And the guy don't use nicotine. And the guy don't drink alcohol. And the guy uses no drug at all. And the cat don't eat any sweet. And the cat don't eat piggy feet. And the cat frame is mighty strong. And the cat make love hard and long. Why can't you be like Andy Kyle? And the cat love Tribina soul. And the cat walks up to the stone. And the cat likes to hold her hand. And the cat's proud to be her man. And the cat stands for decency. And the cat means formality. And the cat's the epitome. Salut, c'est Tivoti. Vous êtes à l'écoute de RQC Moucron sur 95.fm dans l'émission 80 à l'heure animée par Harry, Stéphache et toute son équipe. Vous écoutez SDF. Et surtout les amis, restez branchés. À bientôt. Tiens, qui voilà, on ne t'a jamais vu. Est-ce la première fois que tu te retrouves? Tiens donc, évidemment, Tivoti, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de lui, enfin, qui n'est pas venu dans l'émission. Et là, on entend SDF, d'ailleurs, oui. Un titre qu'on adore, qui est issu d'un de ses anciens albums. Hein, oui. Depuis maintenant, il y a eu un album qui est sorti qui s'appelle Toujours Plus. C'est ça, hein? C'est ça, ouais. Voilà, donc dernier album, donc Tivoti, T-I-V-O-T-Y. Si vous voulez avoir plus d'informations sur notre artiste moucronois qu'on suit régulièrement, eh bien, vous allez sur Internet. Tu connais Tivoti? Ah, bah oui, moi je l'ai croisé il n'y a pas longtemps, il est venu au magasin. Ah, bah oui. Oui, il est adorable, sa femme est excellente. Ah, là. Ouais. C'est vraiment très bonne. Et il écrit des super textes. Et très bonne bassiste. C'est un très bon, ouais. Semblant de rien, très très bonne bassiste, ouais. C'est clair. Charlotte, il écrit oui. Des super textes. It's now or never. It's now or never. Attends, parce que j'étais pas prêt de ce truc-là. Tu veux que je fasse... Non, non, mais ça, ça va aller, regarde. Comment ça, R2 ? On m'appelle déjà pour la chronique ciné. Bon, bah d'accord, ouais, je suis un peu fatigué, c'est ouais. C'est incroyable, c'est le seul mec qui siffle, mais au lieu de souffler... En aspirant, ouais. Aspire. Bah parce que si, fait, mais si, voilà. Mais si je siffle en soufflant, ça, ça fait du souffle dans le micro, donc c'est pas beau. Ouais, mais même nous, on voit quand tu siffles en aspirant, c'est pas beau non plus. Il charrie, mais je fais la même chose que toi. Voilà. Ah, voilà. Je sais. Lou, il y a un beau sifflet, par contre. Il y en a beaucoup qui disent ça. Hein. Ça fait deux fois, hein. La troisième fois, attention. La troisième fois, elle mort. Alors, donc, oui, je vais vous parler donc, des sorties cinéma pour la Belgique et la France pour demain. Donc, je vais commencer avec le film Escape Room, qui est un thriller un peu épouvante. C'est avec Evan Williams, Annabelle Stephenson et Elizabeth Hower. C'est un film de Will Wernick. Et ça sort en France le 14 février 2018 en DVD. Ah bon ? Eh ouais, en DVD. Il n'y a que les Belges qui vont au cinéma pour le voir. Eh ben, écoute, franchement, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit pourquoi ils le sortent en DVD, parce que ça a l'air vraiment sympa. Alors, c'est donc pour fêter son 30e anniversaire, Kristen emmène son copain Tyler et deux autres couples d'amis au tout nouveau Escape Room. Donc, c'est les jeux qu'on connaît maintenant qui font fureur en ce moment, c'est les escape games. Bah, on est en fait enfermé dans une pièce et on a un certain temps pour en ressortir. Donc il faut fouiller un peu partout et trouver des clés ou des choses comme ça pour pouvoir sortir comme de John là. Doe, c'est le même principe que ça. Okay. Donc le groupe est donc enfermé dans une chambre et pendant que le temps s'écoule, doit résoudre des puzzles et des énigmes cryptiques pour pouvoir s'échapper. Bah, enfin, mais ils s'aperçoivent. C'est pas ça qu'on ferait nous. Hein, mais donc ils s'aperçoivent très vite que quelque chose ne tourne pas rond. Les épreuves deviennent non seulement de plus en plus difficiles, mais aussi plus sanglantes. L'escape room attire les victimes les unes après les autres, et les joueurs restants se rendent compte qu'ils jouent un jeu de vie et de mort. Et ça sort le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, c'est gay. En France, oui, ça sort le 14 février. En DVD. Ça n'est pas un film gay, hein, tout son c'est. Ah non, non. C'est en fait, quand tu t'es fait larguer le 13, tu regarderas le 14. Voilà. Non, mais c'est quand même curieux. J'aimerais savoir pourquoi ça sort en DVD en France et en Belgique. Je sais pas. C'est comme il y a peu de temps, Kidnap. Avec Halle Berry, c'est sorti en DVD en France et au cinéma en Belgique, et je l'ai vu et franchement j'étais à fond dedans. Dans Halle Berry. Dans Halle Berry, tu m'étonnes. Oui. Mais non, mais franchement, je l'ai vu, je me suis dit pourquoi c'est pas sorti au cinéma en France, ça aurait fait un carton. Je voudrais comprendre pourquoi. Mais je sais pas. Là, franchement. Demandez au CSA. Demandez au CSA. C'est le CSA qui met son veto. C'est ça qui met son veto. Je répète, hein, Alors ensuite sort donc en Belgique Le Bonhomme de Neige. C'est avec Val Kilmer, Michael Fassbender et Charlotte Gainsbourg. C'est un film de Thomas Alfredson et ça sort en France le 29 novembre. Donc lorsque le détective d'une section d'élite enquête sur la disparition d'une victime lors des premières neiges de l'hiver, il craint qu'un serial killer recherché n'ait encore frappé. Un serial killer. Un quoi ? Un serial killer. Un quoi ? Un tueur en série. Ah, un serial killer. C'est ça. Donc, avec l'aide d'une brillante recrue, il va tenter d'établir un lien entre des dizaines de cas non élucidés et la brutalité de ce dernier crime afin de mettre un terme à ce fléau avant la tombée des prochaines neiges. Donc, c'est thriller psychologique. Ça a l'air vraiment sympa aussi. Ouais, t'es pas convaincu. Non. Non mais la française en deux mots, non, en un mot. De quoi ? Charlotte Gainsbourg, ouais. Ouais, bah il y a pas qu'elle hein, je crois. Il y a Val Kilmer. Ouais, il y a Val Kilmer, ouais. Et Charlotte Gainsbourg en même temps. Ouais. Et il y a encore je crois que c'est Louise Bourgoin qui joue dedans. Ah ouais, il doit être bien, il me semble. Ah, il doit être vraiment bien. Oh, elle est belle. C'est une belle femme. C'est pas fou. Enfin, ensuite, donc sort en France L'Étoile de Noël. C'est un film d'animation de Timothy Reichardt. Ça sort en Belgique. Alors en 2017, mais on n'a pas de date précise. Bah après donc, c'est quoi cool, ouais bah ça, oui, ça devrait être soit à la fin du mois, soit le mois prochain, je pense. Bah vu le titre à mon avis, c'est ça. Ce sera en décembre. Sûrement, ouais. Donc c'est l'histoire d'un petit âne courageux qui s'appelle Beau et qui rêve d'une vie meilleure loin du train-train quotidien du moulin du village. Un jour, il trouve le courage de se libérer pour vivre enfin la grande aventure. Sur sa route, il va faire équipe avec Ruth, une adorable brebis. Une adorable brebis qui a perdu son troupeau et Dave, une colombe aux nobles aspirations. Oui, rejoint par refaire un tour du côté de chez Swan. Donc rejoint par trois chameaux déjantés et quelques animaux de la ferme plus excentriques les uns que les autres. Bien sûr, des chameaux, les animaux de la ferme, c'est évident. Ah oui. Beau et ses nouveaux amis suivent l'étoile et vont devenir les héros méconnus de la plus belle histoire jamais contée, celle du premier Noël. Oh, ouais, pour les gamins. Bah oui, forcément, ouais. Si, si, c'est plus pour faire découvrir l'histoire de Noël aux enfants, mais je pense. Mais par contre, l'histoire de tes animaux de la ferme et des chameaux, j'ai pas compris. Mais... Non, des chameaux et les animaux de la ferme. Il avait le et qui changeait. Bah, un mouton, c'est bien un animal de la ferme quand même. Bah oui, mais pas un chameau. Non, et... j'ai dit les chameaux et... rejoints par trois chameaux déjantés et quelques animaux de la ferme. Mmh. C'est le « et ». Voilà. Super. Et je vais finir donc avec le blockbuster qui sort donc mercredi. C'est Avengers. Justice League. Non, bah ouais. C'est justement l'opposé d'Avengers. C'est avec tout team, là. Ben Affleck, ouais, Gal Gadot, Jason Momoa. C'est un film de Zack Snyder et donc ça sort également en Belgique mercredi. Donc, après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne, donc Batman, inspiré par l'altruisme de Superman, sollicite l'aide de sa nouvelle alliée Diana Prince, donc qui est Wonder Woman, pour affronter donc un ennemi plus redoutable que jamais. Ensemble, Batman et Wonder Woman ne tardent pas à recruter une équipe de méta-humains pour faire face à cette menace inédite. Pourtant, malgré la force que représente cette ligue de héros sans précédent, donc il y a Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et Flash. Aquaman, c'est qui? Oui, Aquaman, c'est Jason Momoa. C'est un super. De l'Atlantide. Non, c'est pas l'homme de l'Atlantide, mais c'est un super héros qui vit dans l'eau à la base. Donc, il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d'une attaque apocalyptique. Franchement, Aquaman, je connaissais pas. C'est le pote à Rick Carman. Non, pas du tout. Non, mais c'est un super héros de DC Comics qui est assez connu quand même. Ah ouais. Ok. Alors, on va faire un tour de table. Onissa, tu irais voir quoi? L'étoile. Avec le petit âne. Le film d'animation, L'étoile de Noël. L'étoile de Noël. Loulou, tu irais voir quoi? Je sais pas, j'ai plus d'argent, je peux pas aller au cinéma, donc si vous pouviez m'aider et me faire un peu un prêt, je sais pas, faites quelque chose. Récemment, tu vas attendre le mois de février, on va te payer le DVD de. Ah ouais, super. Oui, il y a un DVD, oui, pour mon Noël, merci. Non, merci. Mais alors, tous les auditeurs, vous envoyez vos dons à boîte postale 47 à Waterloo, s'il vous plaît. Loulou, pour les nécessiteux, merci. Ça marche. Pina, tu irais voir quoi? Moi, avec Charlotte de Gainsbourg. Ah ouais? Ouais, je l'aime bien. Rappelle-nous le titre. Ouais. Alors ça s'appelle Le Bonhomme de Neige. Je trouve que c'est une belle femme aussi. On est toutes beaux et belles à notre manière. Et... Charlotte Gainsbourg? Ouais. Moi je la trouve si. C'est une bonne actrice déjà, à la base. Ouais. Brice, tu irais voir quoi? Ouais, non. Le film avec les gens enfermés là dans, dans Escape la pièce Room. Avec du sang. Ah lui, ça, c'est un sadique. Brice est un sadique. Le reste, tu irais voir quoi? Écoute, je vais étonner beaucoup de monde, mais moi je suis assez Ligue des Justiciers, tout ça en fait. Donc, ah ouais? Donc Aquaman, tout ça, ça me Aquaman. Aquaman. C'est parce qu'elle fait de l'aquaponie, c'est pour ça. Elle fait de l'aquaponie, ouais, c'est ma deuxième passion, c'est l'aquaponie. On rappelle que Lorraine a travaillé aux eaux du Nord. Lucas, tu irais voir quoi? Là, tout compte fait, ouais, le film avec les gens enfermés. Ah ouais. Escape Room. D'accord. Escape Room, ouais. Aucun, honnêtement, aucun. C'est vrai? Ouais, il n'y en a pas un, non. Oh. So, la dernière version de So, mais c'est déjà sorti. Mais oui. Mais non, il n'y a rien qui me branche du tout. Et pourquoi pas Escape Room? Parce que ça fait un peu penser à So aussi. Voilà. Ils sont enfermés dans une pièce, ils doivent s'en sortir. Une pièce ronde et leur dit que dans un coin. Avec des pièges. Ça fait penser à The Cube en fait. Ouais, bon, ça m'a plus fait penser à So quand même, avec des pièges qui se mettent en route et tout ça. Je sais pas. Et toi, Charles? Escape Room aussi, je pense. Soit ça, soit Justice League, parce que j'aime bien aussi tout ce qui est. Et l'étoile avec la tout ce qui est super-héros. Bah ouais, aussi, ouais. Mais il y a plein de films en fait. Bah, les quatre me tentent bien en fait. Bah, ouais, tu iras aller voir les quatre et tu me raconteras comment c'était. Hein. Oui, si j'ai le temps. On va demander à Rico de dégager un petit budget pour aller au cinéma. Ah, ça serait bien. Ah ouais, c'est bon, et ben, on rappelle qu'on est avec Bankster. Il nous reste quelques minutes pour profiter pas les oublier, du groupe qui est venu nous rejoindre et qui nous fait un grand plaisir de sa présence. T'avais une chanson un peu plus grivoise, tu nous avais dit. Non. Si. Non. Menteur, si tu l'as dit. Si. Si. Ouais, ouais. T'as même dit une chanson. Est-ce que les enfants sont couchés maintenant? Oui. Oui. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui écoutent la radio quand il y a un match de foot à la télé? Oui. Oui. Oui. Ouais, on a reçu des messages, bien sûr. Bon, vous voulez une chanson qui parle de sexe alors? Oh, oui. Pour Ronnie, ça ferait plaisir. Est-ce que bon, alors on y va. J'adore. Mais Lorraine n'a pas encore pris son tuba là. Elle cherche. Alors Lorraine, t'es prête? Je suis là. Allez Lorraine, mets ton matériel à la bouche. Rappelle-toi Lorraine et on y va. Bon, c'est pas ça qu'on joue, c'est autre chose. Ah, du coup là, t'as besoin de partition. Bah oui, mais non, pas de partition. Non, j'ai pas de partition. Bah c'est tu quoi là? Regardez, c'est pas une partition. Enfin, c'est écrit en dessous, mais. Ah, elle quand a même. Beaucoup de repères. Alors quel est le titre, Loulou? Ça s'appelle Trop d'émotions, trop de sensations. Ah, tout un programme. C'est le groupe. Qui est avec nous en direct live sur l'antenne de RQC. Ça marche là? Allez, hein? Allez. Apostoliques et pathétiques qui n'ont plus la trique. Trop d'émotions, trop de sensations dans le pantalon. J'ai trop d'émotions, trop de sensations dans le pantalon. Je suis un voyeur, j'ai les yeux partout. Cache-cœur sur les dessous, dans le catalogue de la redoute, les petites culottes, je les découpe. Trop d'émotions, trop de sensations dans le pantalon. J'ai trop d'émotions, trop de sensations dans le pantalon. Aux petites madames, sur le canapé, je les attache, je mords les pieds, je pince les chattes. Trop d'émotions, trop de sensations dans le pantalon. J'ai trop d'émotions, trop de sensations dans le pantalon. Des objets kitsch qui m'émotionnent. Des sacs à main, des plumes en strass, des escarpins, des vieux tampax. C'est dégueulasse. Trop d'émotions, trop de sensations dans le pantalon. J'ai trop d'émotions, trop de sensations dans le pantalon. Dans les toilettes des demoiselles, je vais pisser sur la lunette. Trop d'émotions, trop de sensations dans le pantalon. J'ai trop d'émotions, trop de sensations dans le pantalon. Enfin, je à des vieilles piques devant la spice. Pourvu qu'elle crie car ça m'excite. Si elle m'insulte, je rentre en rut. Trop d'émotions, trop de sensations dans le pantalon. J'ai trop d'émotions, trop de sensations dans le pantalon. Des émotions, des sensations, des émotions, des sensations, des émotions, des sensations. J'ai trop d'émotions, trop de sensations dans le pantalon. Yeah. Ah, et le titre c'est. C'est trop, trop d'émotions, trop de sensations. Ah ouais, alors, Sherlock, t'as oublié ça, trop d'émotions et trop de sensations dans le pantalon, ça te rappelle des vieux souvenirs. Bah ça. Oui, forcément. Eh bien, il nous reste 5 minutes et j'ai envie d'abuser de votre bonté, parce que du coup, profitons-en, parce que on va terminer sur un dernier titre de Banksters, non ? Bah ouais, on y va, on est venu pour ouais. Ça, mais même plusieurs si tu veux. Hein. Ah bah, on peut s'en faire deux d'affilée. Hein, Tu veux faire quoi ? On fait quoi là ? Eh ouais. On fait juste pour l'info, est-ce que vous faites des reprises aussi ou pas ? Oui, on fait des reprises. Tu veux qu'on te fasse une reprise ? Vous payez la SACEM ? Ça veut dire oui. On peut vous faire une reprise, on fait quoi ? Zoubi la mouche, t'aimes bien Zoubi toi. Ah oui. Zoubi la mouche. Roi de rien. Non, Zoubi la mouche, c'est Zoubi la mouche. Je préfère Zoubi la mouche. Et puis c'est les années 80. T'as les paroles, le texte quelque part ? T'as le texte toi sur ton truc ? Ouais. Parce que là, on a chaud, on a bu, on a déconné, on a baisé à l'entraque, donc on est fatigué, donc on a besoin d'avoir le texte. Moi aussi, on sait ce que c'est. Hein. C'est dur, mais c'est dur en tout le monde. Il est où le texte ? Il est là. Oh oui, d'accord, attends, passe-moi mes lunettes là. Parce que... Alors, voilà, donc attends, j'ai un message qui dit. Ah bah c'est Alain Flelou qui dit Loulou, quand est-ce que tu reviens ? Je tape dans la main. Moi je tape dans la main. dans le miel. Sopi, sopi, la moche. Sopi, sopi, la moche, moche, moche. Sopi, sopi, la moche. Sopi, sopi, la moche, moche, moche. Ah ouais, c'était trop court en fait. Ouais. Et ouais, je m'attendais à plus long que ça. Et là, et on voit, ils y mettent du cœur. Hein, ah ouais, ouais, ouais. Quand on voit Loulou, quand alors là, quand on parle de zombies, tu sais. Après trop d'émotions, trop de sensations. Ah bah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Il nous reste encore quelques minutes, profitons-en. Il y a un titre que vous aimeriez faire. Donc les banksters qui sont avec nous, bien évidemment. Allez, on va faire une chanson quand même, parce que c'est vrai qu'on croit que on est un groupe, c'est vrai, un peu engagé avec des chansons qui pourraient sembler un peu de gauche, mais pour faire l'équilibre, on a écrit une chanson engagée de droite. Ah ben allons-y. Oui, parce que c'est vrai, après tout, les riches aussi. C'est dur aussi pour les riches. Il y a des moments, la bourse a beaucoup baissé. Ouais. En 5 ans, pendant le quinquennat de Hollande, là, on a vu, ils n'ont pratiquement que doublé leur patrimoine. C'est dur pour eux. Hein, ouais. Même, tu vois, même Bono, c'est dur pour lui. Il doit planquer ses sous aussi au Panama, tout ça. Ouais. Donc voilà, donc, on a écrit une chanson pour les défendre. Et en fait, c'est une prière, ça s'appelle « Au nom du PES ». Ah. Et du fisc et du Saint-Esprit et du Saint-Bénéfice au nom du PES et du fric et du Saint-Bénéfice. Et du tout à fait. Ramen. Amen. Je sais pas aussi. Non, non, on fait pas chose. Non, alors, j'ai déjà le texte. Bon, alors on y va. Vous êtes prêtes, les filles? Mais Brice n'a pas encore montré. C'est là que Brice fait. Oui. Ouais. Au nom du PES. On rappelle que Brice est brésilien. Au nom du PES, chanson pour les pauvres riches qui ont beaucoup de difficultés aussi. Ouais. Faut pas les oublier. Oh, mais c'est dur, hein. La solidarité. Mais c'est dur pour tout le monde. C'est vrai. T'es prête, ma poule? Je t'attends. 1, 2, 3, 4. Au nom du PES et du fric et du Saint-Bénéfice, ils ont pour seule religion d'amasser du pognon. Au nom du PES et du fric et du Saint-Bénéfice, ils ont pour seule devise le dollar, le franc suisse. Qui est en caisse, que ton taux soit bonifié et que les intérêts viennent et que la bourse soit en liesse. Au nom du PES et du fric et du Saint-Bénéfice, ils ont pour seule logique de se soustraire au fisc. Au nom du PES et du fric et du Saint-Bénéfice, rien n'est plus beau que la vie, sauf bien sûr le profit. Chaque matin, notre gain quotidien. Augmentez-nous nos finances, baissez nos redevances. Et au nom du PES et du fric et du Saint-Bénéfice, ils ont pouvoir à la crise et pour le faire la mise. Au nom du PES et du fric et du Saint-Bénéfice, et c'est au son du canon qu'ils achètent les actions. Ne mettez pas à la taxation, mais délivrez-nous du mal. Des impositions au nom du PES et du fric et du Saint-Bénéfice, ils ont pour seule religion d'amasser du pognon. Au nom du PES et du fric et du Saint-Bénéfice, ils ont pour seule devise le dollar, le franc suisse. Thank you. Bankster. Bankster, que vous allez pouvoir retrouver donc vendredi soir, profitez-en. Ça vous a donné un avant-goût de ce que vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir donc vendredi soir au Plan B à partir de 20h. Donc c'est juste en face de la gare d'Erzo, donc chez Franz. C'est gratuit, allez-y. Alors c'est gratuit, l'entrée la boisson. Et payante, quoique Loulou a dit il paye une tournée. Tout ouvert aux musiciens sera bien sûr accepté. Hein ? Oui, oui. Tout ouvert aux musiciens sera bien sûr accepté. Oui, voilà. Ah oui, ah, bah, ouais, j'imagine. Bah, oui, tiens, donc, Moi, je voulais remercier quand même la radio Kichifel de nous avoir accueillis. Tout à fait, oui. Merci à toute l'équipe. C'est un vrai plaisir, c'était une première. Non, mais pour nous, c'était une première cette radio, c'est vrai, oui. On c'est a... bon enfant, hein. Ouais, très bien, ouais. Il y a une équipe formidable ici, franchement. Alors que c'est que des vieux, Non, non, mais ça se voit pas, ça se voit pas. Dans les vieux pots qu'on fait les bonnes soupes. Voilà, tout à fait. Parle pour toi. Avec une équipe de jeunes, non, non. C'est vrai. On a passé un très, très bon moment. On rappelle à chaque fois que c'est vrai que nous, techniquement, c'est pas forcément évident. Et vous êtes bien payé pour faire ça? Bah justement, la dernière chanson que tu viens de passer, là, on est complètement concernés. Hein, qui cotisons à l'ISF. C'est ça, ouais. L'impôt sans fortune. Vous êtes bénévole, sans rire. Ouais. Ah ouais. Ah, on n'est pas les seuls alors à venir ce soir, il y a des bénévoles. Ah ouais, non, ça, c'est pour ça qu'il y a une bonne ambiance finalement. C'est pour ça que vendredi soir, on voudrait bien un verre, nous. Bah écoute, je suis d'accord. Ouais. Avec plaisir. Ce sera non, c'est avec plaisir. Mais ceci dit, vous déclarez à la SACEM ou pas vos titres? Vous les déposez? Non, ils sont pas déclarés, non. Bah il faut, parce que ce serait dommage. Hein. Ouais, mais tu sais, ils sont chantés partout, etc. Qui veux-tu? Personne va les piquer, c'est pas possible. Ah, peut-être que si, hein, quand même. Ouais, elle est d'actualité, mais en même temps, je l'ai écrite il y a 10 ans, elle sera toujours d'actualité. En plus, pour un peu les mélomanes, si vous entendez la mélodie derrière, c'est quoi? En plus, le film, il est sorti récemment. 51 degrés. Encore sorti celui-là. Django Reinhardt. Ah bon? Et c'est quoi il y a quelques. Les premières notes, c'est Minor Swing de Django Reinhardt. Ah ouais, je connais. Le thème, c'est le thème de Minor Swing. Ah si, Django Reinhardt, je connais, mais. Non, mais pas Jazz Manouche. Oui, voilà, tout à fait, ouais. Bah, de toute façon, il y a un petit peu de ça hein, chez vous. Il y a un petit côté manouche. Ouais. Et c'est vrai que le côté tuba, ça donne une dimension supplémentaire aussi à vos titres. Et ça me fait penser aussi un peu à. Alors, vous saviez que Christophe Alévèque a un groupe qui s'appelle Grupo. Et c'est un peu dans le même style aussi. Alors, bien sûr, il est beaucoup moins connu que vous. Non, mais au niveau du groupe qui s'appelle El Grupo, allez voir El Grupo de Christophe Alévèque. Et lui, c'est aussi un peu dans le même style, mais là, c'est du corps. Et derrière, il y a du corps, et c'est vraiment sympa. Ouais. Il passe au Plan B le 24 novembre. C'est ça, ouais. Ça marche. Donc notez bien sur vos tablettes, rendez-vous vendredi soir, donc à partir de 20h, donc au Plan B. C'est juste en face donc de la gare d'Erzo, chez Franz, et vous allez découvrir donc Bankster et toute la bande de joyeux lurons. Donc il y a Brice, il y a Pina. Qui va montrer son Big Bazar à l'occasion. Bah oui, mais si on est à la radio, il ne peut pas montrer son Big Bazar, c'est pas possible. Ah oui, donc Brice montrera son Big Bazar. Le sax, c'est bien. Mais le sexe, c'est mieux. Ça. Merci, Francky. On t'a découvert. Bon, Brice, c'est le fils de Francky. Fruit de la passion. C'est ça. C'est le fruit de la passion. En tout cas, on a passé un très très bon moment. Nous aussi, super, super. Merci. Et voilà. Et on se retrouve vendredi soir, bien évidemment. Ok, merci. Et bisous à tous les auditeurs. Oui. On vous aime. Bisous à vous. Et donc, on va se quitter sur un dernier titre, évidemment. Oui. Ce sera avec Téléphone, et ça, c'est vraiment toi. Oh yeah. Ah, ça marche. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va recevoir. Alors attention, vous n'étiez pas au courant, mais maintenant vous l'êtes. Ah, d'accord. On va savoir. Donc la semaine prochaine, on va recevoir. Tiens, dis donc, c'est un rapport aussi avec Claude Barzotti, puisqu'il l'avait produit. Il y aura Fabrizio Zeva qui sera avec nous. Il y aura Mélanie Bonfito et Michael Palango qui seront avec nous, qui viennent de sortir un titre d'ailleurs pour l'association. Donc Un rêve, une étoile et tout est possible. Oui, exact. Et j'ai vu qu'il y avait même Fabien Le Castel. Lecastel qui avait posé sa voix dessus. Il y a Fabien Lecastel, il y a aussi donc Fantine Maucronoise, donc la Fantine petite Maucronoise qui a joué avec Depardieu, qui a monté le festival de Cannes, voilà, qui a monté le festival de Cannes. Elle a eu du courage. Non, voilà, donc qui a participé aussi donc à ce titre. Donc dans le cadre de l'association donc Un rêve, une étoile et tout est permis et on va recevoir tout est possible. Je suis fatigué. Bon, ils seront avec nous donc la semaine prochaine pour nous faire écouter donc ce nouveau titre et Fabrizio sera avec nous. Je sais que vous l'aimez, nous on l'aime aussi et il y aura aussi donc Mélanie qui est aussi très jolie et Michael qui l'est un peu moins mais qui chante très bien. Donc ce sera mardi prochain donc à partir de 20h bien évidemment et puis bah restez à l'écoute de RQC puisque vous allez avoir ces merveilleuses petites scénettes à partir de 23h celles qui vous permettent de vous endormir. Allez donc Charlotte, on se retrouve. Oui ben oui. Non mais tu rigoles, c'est une blague. Ah non, moi je te fais plein de bisous. Non mais toi tu fais des bisous à n'importe qui toi. Donc, non, moi je choisis. Hey, à ton avis son RPS il vient de où? Je sais pas. Pas de lui. Plus 4. Merci à toi. Oui, je t'en prie. Sinon, tu peux parler plus près du micro, Flip. Ouais. Attends, ouais, on t'entendra mieux. C'est vrai? Ouais. Non, je pensais que tu m'entendais quand même. Et puis, bah, merci bien sûr au groupe Bankster. Et puis, et puis à vendredi soir. Donc, au plan B. Allez, Erzo. Ciao, bye. Allez, ciao. Ciao.